Premier livre des rois. Le roi David avait vieilli et atteint un âge très avancé. Et quoiqu'on le couvrit beaucoup, il ne se réchauffait pas. Ses serviteurs lui dirent donc, « Nous chercherons pour le roi notre seigneur une jeune fille vierge, afin qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle l'échauffe, et que, dormant auprès de lui, elle remédie à ce grand froid du roi notre seigneur. » Ils cherchèrent donc dans toutes les terres d'Israël une belle jeune fille, et ayant trouvé Abizag de Sunam, ils l'amenèrent au roi. C'était une jeune fille d'une grande beauté. Elle dormait auprès du roi et elle le servait, et le roi la laissa toujours vierge. Cependant, Adonias, fils d'Agit, s'élevait en disant « C'est moi qui régnerai ». Et il se fit faire des chars, prit des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais son père ne l'en reprit, en lui disant « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» Il était parfaitement beau et le second après Absalom. Il s'était lié avec Joab, fils de Sarvia, et avec le grand prêtre Abiathar, qui soutenait son parti. Mais le grand prêtre Sadoc, Banaïas, fils de Joïada, le prophète Nathan, Séméi et Réi, et toute la force de l'armée de David n'étaient point pour Adonias. Adonias, ayant donc immolé des béliers, des veaux et toutes sortes de victimes grasses auprès de la pierre de Zoélète, qui était près de la fontaine de Rogel, convia tous ses frères, les fils du roi, et tous ceux de Juda, qui était au service du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Banaïas, ni tous les plus vaillants de l'armée, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bethsabée, mère de Salomon, « Savez-vous qu'Adonias, fils d'Agit, s'est fait roi, sans que David notre seigneur le sache ? Venez donc et suivez mon conseil, sauvez votre vie et celle de votre fils Salomon. » Allez vous présenter au roi David et dites-lui, « Ô roi, mon seigneur, ne m'avez-vous pas juré à moi, votre servante, en disant, « Salomon, votre fils, régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. Pourquoi donc Adonias règne-t-il » Pendant que vous parlerez encore avec le roi, je viendrai après vous et je compléterai vos paroles. » Bethsabée alla donc trouver le roi dans sa chambre. Or le roi était fort vieux, et Abizag de Sunam le servait. Bethsabée s'inclina profondément et adora le roi. Et le roi lui dit, « Que désirez-vous ? » Elle lui répondit, « Monseigneur, vous avez juré à votre servante par le Seigneur votre Dieu, et vous m'avez dit, « Salomon, votre fils, règnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. » Cependant, voilà qu'Adonias s'est fait roi, sans que vous le sachiez, ô roi, mon seigneur. Il a immolé des bœufs, toutes sortes de victimes grasses et un grand nombre de béliers. Il a invité tous les enfants du roi avec le grand prêtre Abiathar et Joab, général de l'armée, mais il n'a point convié Salomon, votre serviteur. Or, tout Israël a maintenant les yeux sur vous, ô roi, mon seigneur, afin que vous leur déclariez, mon seigneur le roi, qui doit être assis après vous sur votre trône ? Car, après que le roi, mon seigneur, se sera endormi avec ses pères, nous serons traités comme des criminels, moi et mon fils Salomon. » Elle parlait encore au roi lorsque le prophète Nathan arriva. Et l'on dit au roi, « Voilà le prophète Nathan. » Nathan, s'étant présenté devant le roi, l'adora en s'inclinant jusqu'à terre. Et il lui dit, « Ô roi, mon seigneur, avez-vous dit qu'Adonias règne après moi et que ce soit lui qui soit assis sur mon trône ? Car il est descendu aujourd'hui. Il a immolé des bœufs, des victimes grasses et de nombreux béliers. Et il a convié tous les fils du roi, les généraux de l'armée et le grand prêtre Abiathar qui ont mangé et bu avec lui en disant « Vive le roi Adonias !» Mais pour moi, votre serviteur, il ne m'a pas invité. Ni le grand prêtre Sadoc, ni Banayas, fils de Joyada, non plus que Salomon, votre serviteur. Cet ordre est-il venu de la part du roi Monseigneur, sans que vous ayez déclaré à votre serviteur qui devait être assis après le roi Monseigneur sur son trône ? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bethsabée. » Bethsabée s'étant présenté devant le roi et se tenant devant lui, le roi lui jura et lui dit, « Vive le Seigneur qui a délivré mon âme de toute angoisse. Ce que je vous ai juré par le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant « Salomon, votre fils, règnera après moi, et c'est lui qui sera assis à ma place sur mon trône, je le ferai dès aujourd'hui. » Bethsabée, inclinant profondément son visage jusqu'à terre, adora le roi et lui dit « Que David, mon Seigneur, vive à jamais !» Le roi David dit encore « Faites-moi venir le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Banayas, fils de Joyada. » Lorsqu'ils se furent présentés devant le roi, il leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter sur ma mule mon fils Salomon et menez-le à Gion. Et que le grand prêtre Sadoc et le prophète Nathan le sacrent en ce lieu comme roi d'Israël. Et vous sonnerez de la trompette et vous crierez « Vive le roi Salomon !» Et vous monterez après lui et il viendra s'asseoir sur mon trône. Il règnera à ma place et je lui ordonnerai d'être chef d'Israël et de Juda. » Banayas, fils de Joyada, répondit au roi « Amen. Que le Seigneur, le Dieu du roi, mon Seigneur, l'ordonne ainsi. Comme le Seigneur a été avec le roi, mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il élève son trône encore plus que ne l'a été le trône de David, mon roi et mon Seigneur. » Alors le grand prêtre Sadoc descendit avec le prophète Nathan, Banayas, fils de Joyada, les Sérétiens et les Phélétiens, et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Gion. Et le grand prêtre Sadoc prit du tabernacle une corne pleine d'huile et sacra Salomon. Ils sonnèrent de la trompette et tout le peuple s'écria « Vive le roi Salomon !» Une immense multitude monta après lui. Beaucoup jouaient de la flûte et donnaient les marques d'une grande joie, et la terre retentissait de leurs acclamations. Adonias et tous ceux qui l'avaient invité entendirent ce bruit, et le festin venait de s'achever. Et Joab, ayant reconnu le son de la trompette, dit « Que signifient ces cris et ce tumulte de la ville ?» Tandis qu'il parlait encore, Jonathas, fils du grand prêtre Abiathar, arriva. Et Adonias lui dit « Entre, car tu es un vaillant homme, et tu nous apportes de bonnes nouvelles. » Jonathas répondit à Adonias « Nullement, car le roi David, notre Seigneur, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Banayas, fils de Joyada, les Sérétiens et les Phélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. » Et le grand prêtre Sadoc et le prophète Nathan l'ont sacré roi à Gion, d'où ils sont revenus avec des cris de joie dont a retenti la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. De plus, Salomon est assis sur le trône du royaume, et les serviteurs du roi sont venus bénir le roi David, notre Seigneur, en disant « Que Dieu rende le nom de Salomon encore plus illustre que le vôtre, et qu'il élève son trône au-dessus de votre trône. » Et le roi, adorant Dieu dans son lit, a dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a fait voir aujourd'hui de mes propres yeux mon fils assis sur mon trône. » Alors, tous ceux qu'Adonias avait invités se levèrent saisis de frayeur, et chacun s'en alla de son côté. Mais Adonias, craignant Salomon, se leva et s'en alla saisir la corne de l'autel. Alors on vint dire à Salomon, « Voilà qu'Adonias, craignant le roi Salomon, a saisi la corne de l'autel. » Et il dit, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Salomon répondit, « S'il est homme de bien, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête. Mais s'il est coupable, il mourra. » Le roi Salomon envoya donc vers Adonias et le fit tirer de l'autel. Et Adonias, s'étant présenté devant le roi Salomon, l'adora. et Salomon lui dit « Allez dans votre maison ». Or, le jour de la mort de David étant proche, il donna cet avis à Salomon son fils et lui dit « Me voici près d'entrer dans la voie de toute la terre. Fortifiez-vous et soyez un homme. Observez les commandements du Seigneur votre Dieu. Marchez dans ses voies. Gardez ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnances et ses lois, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que vous vous conduisiez sagement en tout ce que vous ferez et de quelque côté que vous vous tourniez. Et alors, le Seigneur réalisera la parole qu'il m'a donnée lorsqu'il m'a dit « Si vos enfants prennent garde à leur voie et s'ils marchent devant moi dans la vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, vous aurez toujours un successeur sur le trône d'Israël. Vous savez aussi de quelle manière m'a traité Joab, fils de Sarvia, et ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter, qu'il a assassiné, versant durant la paix le sang de la guerre, et en ayant ensanglanté le baudrier qui était sur ses reins et les souliers qu'il avait aux pieds. Vous ferez donc selon votre sagesse, et vous ne permettrez pas à ses cheveux blancs de descendre en paix dans le tombeau. Mais vous témoignerez votre reconnaissance aux fils de Berzélaï de Galaad, et ils mangeront à votre table parce qu'ils sont venus au-devant de moi lorsque je fuyais devant Absalom, votre frère. Vous avez de plus auprès de vous Séméi, fils de Géra, fils de Gémini, de Bahurim, qui prononça les plus affreuses malédictions contre moi lorsque je m'en allais au camp. Mais parce qu'il vint au-devant de moi quand je passais le Jourdain, je lui jurai par le Seigneur que je ne le ferai point mourir par l'épée. Ne laissez pas néanmoins son crime impuni. Vous êtes sages pour savoir comment vous devez le traiter, et vous ferez descendre ensanglanté ses cheveux blancs au séjour des morts. David s'endormit donc avec ses pères, et il fut enseveli dans la ville de David. Le temps du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 à Jérusalem. Salomon prit possession du royaume de David, son père, et son règne s'affermit puissamment. Alors, Adonias, fils d'Agit, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui dit « « Venez-vous avec un esprit de paix ?» Il lui répondit, « Je viens avec des pensées de paix. » Et il ajouta, « J'ai un mot à vous dire. »« Parlez, » répondit-elle. « Vous savez, dit Adonias, que la couronne m'appartenait, et que tout Israël m'avait choisi par préférence pour être son roi. Mais le royaume a été transféré, et il est passé à mon frère, parce que c'est le Seigneur qui le lui a donné. » Maintenant, donc, je n'ai qu'une prière à vous faire. Ne m'humiliez point par un refus. Bethsabée ajouta, « Que demandez-vous ? » Adonias lui dit, « Je vous prie de demander au roi Salomon, car il ne peut rien vous refuser, qu'il m'accorde Abizag de Sunam en qualité d'épouse. » Bethsabée lui dit, « Bien, je parlerai pour vous au roi. » Bethsabée vint donc trouver le roi Salomon afin de lui parler pour Adonias. Le roi se leva, vint au-devant d'elle, la salua profondément et s'assit sur son trône. Et l'on mit un trône pour la mère du roi, laquelle s'assit à sa droite. Elle lui dit « Je n'ai qu'une petite prière à vous faire. Ne me donnez pas la confusion d'être refusé. » Le roi lui dit « Ma mère, « dites ce que vous demandez, car il ne serait pas juste de vous affliger par un refus. » Et elle dit, « Donnez Abizag de Sunam pour épouse à votre frère Adonias. » Le roi Salomon répondit à sa mère et lui dit, « pourquoi demandez-vous Abizag de Sunam pour Adonias? Demandez donc aussi pour lui le royaume, car il est mon frère aîné, et il a déjà pour lui le grand prêtre Abiathar et Joab, fils de Sarvia. Salomon jura donc par le Seigneur et dit, « Que Dieu me traite dans toute sa sévérité, s'il n'est vrai qu'Adonias, par cette demande, a parlé contre sa propre vie. Et maintenant, je jure par le Seigneur qui m'a assuré la couronne, qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui a établi ma maison comme il l'avait dit, qu'Adonias sera mis à mort aujourd'hui. » Et le roi Salomon envoya Banaïas, fils de Joïada, qui frappa Adonias et le tua. Le roi dit aussi au grand prêtre Abiathar, « Allez à Anatoth dans votre terre. Vous mériteriez la mort, mais je ne vous ferai pas mourir, parce que vous avez porté l'arche du Seigneur Dieu devant David, mon père, et que vous avez eu part à toutes les souffrances qu'a endurées mon père. » Salomon relégua donc Abiathar afin qu'il ne fît plus les fonctions de grand prêtre du Seigneur, et que la parole que le Seigneur avait prononcée dans Silo, touchant la maison d'Élie, fût ainsi accomplie. Cette nouvelle étant venue à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonias et non celui de Salomon, il s'enfuit dans le tabernacle du Seigneur et saisit la corne de l'autel. On vint dire au roi Salomon que Joab s'était enfui dans le tabernacle du Seigneur et qu'il se tenait près de l'autel. Et Salomon envoya Banaïas, fils de Joïada, et lui dit « Allez et tuez-le ». Banaïas vint au tabernacle du Seigneur et dit à Joab « Le roi vous commande de sortir. » Joab lui répondit, « Je ne sortirai point, mais je mourrai en ce lieu. » Banaïas fit son rapport au roi et lui dit, « Voilà la réponse que Joab m'a faite. » Le roi lui dit, « Faites comme il vous a dit, tuez-le et ensevelissez-le, et vous éloignerez de moi et de la maison de mon père le sang innocent répandu par Joab. » Et le Seigneur fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a assassiné deux hommes justes qui valaient mieux que lui et qu'il a tué par l'épée à l'insu de David, mon père, Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Et leur sang retombera jamais sur la tête de Joab et sur sa postérité. Mais que le Seigneur donne une éternelle paix à David et à sa race, à sa maison et à son trône. » Benaïas, fils de Joïada, monta donc, frappa Joab et le tua, et on l'ensevelit chez lui dans le désert. Alors le roi mit à la place de Joab Banaïas, fils de Joïada, à la tête de l'armée, et il établit Sadoc comme grand prêtre à la place d'Abiathar. Le roi fit aussi appeler Séméi et lui dit, « Bâtissez-vous une maison à Jérusalem, et demeurez-y, et n'en sortez point pour aller de côté ou d'autre. Le jour où vous en sortirez, et où vous passerez le torrent de Cédron, sachez que vous serez mis à mort, et votre sang retombera sur votre tête. » Séméi dit au roi, « Cet ordre est très juste. Ce que le roi mon seigneur a dit sera exécuté par son serviteur. » Séméi demeura donc longtemps à Jérusalem. Mais 3 ans s'étant passés, il arriva que les esclaves de Séméi s'enfuirent vers Achis, fils de Maaca, roi de Jet. Et on vint dire à Séméi que ses esclaves étaient allés à Jet. Séméi fit donc aussitôt seller son âne et s'en alla vers Achis, à Jet, pour redemander ses esclaves. Et il les ramena de Jet. Salomon, ayant été averti que Séméi était allé de Jérusalem à Jet et en était revenu, l'envoya chercher et lui dit, « Ne vous ai-je pas averti d'avance? Et ne vous ai-je pas juré par le Seigneur en vous disant, « Le jour où vous sortirez pour aller de côté ou d'autre, sachez que vous serez puni de mort? » Et vous m'avez répondu, « Rien n'est plus juste que cette parole. » Pourquoi donc n'avez-vous pas gardé le serment que vous avez fait au Seigneur et l'ordre que je vous avais donné? » Et le roi dit à Séméi, « Vous savez tout le mal que votre conscience vous reproche d'avoir fait à David, mon père. Le Seigneur a fait retomber votre méchanceté sur votre tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera stable éternellement devant le Seigneur. » Le roi dit, donna donc ses ordres à Banayas, fils de Joïada, qui sortit, frappa Sémei et le tua. Le règne de Salomon s'étant ainsi affermi, il s'allia avec le pharaon, roi d'Égypte, car il épousa sa fille, qu'il amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir son palais, la maison du Seigneur, et les murs qu'il faisait faire tout autour de Jérusalem. Le peuple, cependant, immolait toujours sur les hauts lieux, parce que jusqu'alors on n'avait point encore bâti de temple au Seigneur. Or Salomon aima le Seigneur, et il se conduisit selon les préceptes de David son père, excepté qu'il sacrifia et qu'il brûlait de l'encens sur les hauts lieux. Il s'en alla donc à Gabaon pour y sacrifier, parce que c'était là le plus considérable de tous les hauts lieux. Et il offrit 1000 hosties en holocauste sur l'autel qui était à Gabaon. Or le Seigneur apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et lui dit « Demandez-moi ce que vous voulez que je vous donne. » Salomon lui répondit « Vous avez usé d'une grande miséricorde envers David, mon père, votre serviteur, selon qu'il a marché devant vous dans la vérité et dans la justice, et que son cœur a été droit à vos yeux. Vous lui avez conservé cette grande miséricorde, et vous lui avez donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. » Maintenant donc, Seigneur Dieu, vous m'avez fait régner, moi, votre serviteur, à la place de David, mon père. Mais je ne suis encore qu'un jeune enfant, qui ne sait de quelle manière il doit se conduire. Et votre serviteur se trouve au milieu du peuple que vous avez choisi, d'un peuple infini, qui est innombrable à cause de sa multitude. Donnez donc à votre serviteur un cœur docile, afin qu'il puisse juger votre peuple et discerner entre le bien et le mal. Car qui pourra rendre la justice à votre peuple, à ce peuple si nombreux ? Le Seigneur agréa donc que Salomon lui eût fait cette demande. Et il dit à Salomon, « Parce que vous m'avez fait cette demande, et que vous n'avez point désiré un grand nombre d'années, ou de grandes richesses, ou la vie de vos ennemis, mais la sagesse pour discerner ce qui est juste, j'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé, et je vous ai donné un cœur si plein de sagesse et d'intelligence qu'il n'y a jamais eu d'homme avant vous qui vous ait égalé, et qu'il n'y en aura point après vous qui vous égale. Mais je vous ai, en outre, donnez ce que vous ne m'avez point demandé, savoir les richesses et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé en ce point dans tous les siècles passés. Que si vous marchez dans mes voies et que vous gardiez mes préceptes et mes ordonnances comme votre père les a gardées, je vous donnerai encore une longue vie. » Salomon, s'étant réveillé, comprit que c'était un songe. Et étant venu à Jérusalem, il se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur, offrit des holocaustes et des victimes pacifiques, et fit à tous ses serviteurs un grand festin. Alors, deux femmes de mauvaise vie vinrent trouver le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit « Je vous prie, mon Seigneur, faites-moi justice. Nous demeurions, cette femme et moi, dans une même maison. » Et je suis accouché près d'elle dans la même chambre. Elle est accouchée aussi 3 jours après moi. Nous étions ensemble dans cette maison et il n'y avait personne autre que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit car elle l'a étouffé en dormant. Et se levant dans le silence d'une nuit profonde, pendant que je dormais, moi, votre servante, elle m'a ôté mon fils que j'avais à mon côté. Et l'ayant pris auprès d'elle, elle a mis auprès de moi son fils qui était mort. Quand je me levai le matin pour allaiter mon fils, je vis qu'il était mort, et le considérant avec plus d'attention au grand jour, j'ai reconnu que ce n'était pas le mien, celui que j'avais enfanté. » L'autre femme lui répondit, « Ce que tu dis n'est pas vrai, mais c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. » La première, au contraire, répliquait « Tu mens, car c'est mon fils qui est vivant, et le tien est mort. » Et elle disputait ainsi devant le roi. Alors le roi dit « Celle-ci dit « Mon fils est vivant et le tien est mort. » Et l'autre répond « Non, mais c'est ton fils qui est mort et le mien vivant. » Le roi ajouta « Apportez-moi une épée. » Lorsqu'on eut apporté une épée devant le roi, il dit à ses gardes « Coupez en deux cet enfant qui est vivant. » Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car ses entrailles furent émues pour son fils, « Seigneur, donnez-lui, je vous supplie, l'enfant vivant, et ne le tuez point. » L'autre disait au contraire, « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi, mais qu'on le divise en deux. » Alors le roi prononça cette sentence, « Donnez à celle-ci l'enfant vivant, et qu'on ne le tue point, car c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit donc la manière dont le roi avait jugé cette affaire, et ils conçurent tous de la crainte pour lui, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Or le roi Salomon régnait sur tout Israël, et voici quels étaient ses princes. Azarias, fils du grand prêtre Sadoc, Eliorèf et Aïa, fils de Sisa, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Ahilud, était chancelier. Banaïas, fils de Joïada, était général de l'armée. Sadoc et Abiathar étaient grands prêtres. Azarias, fils de Nathan, avait l'intendance sur ceux qui étaient toujours auprès du roi. Zabud, prêtre, fils de Nathan, était ami du roi. Ahissar était grand prêtre de la maison, et Adoniram, fils d'Abda, était surintendant des tribus. Salomon avait établi sur tout Israël 12 préfets, qui avaient soin d'entretenir la table du roi et de sa maison. Chacun fournissait, pendant un mois de l'année, tout ce qui était nécessaire à la maison du roi. Voici leurs noms. Bénur avait l'intendance sur la montagne d'Éphraïm, Bendekar à Makès, Salébim, Bet-Samès, Elon et Batanan, Bézed à Arubot. Il avait aussi Soko et toute la terre des fers. Benabinadab, qui avait l'intendance de tout le pays de Néphat d'Or, avait épousé Taphet, fille de Salomon. Bana, fils d'Ahilud, était gouverneur de Tanakh, de Magédo, de tout le pays de Bethsan, qui est près de Sartana, au-dessous de Jezraël, depuis Bethsan jusqu'à Abel-Mehula, vis-à-vis de Jekmaan. Ben-Gaber était intendant de Ramoth-Galaad, et il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, qui sont en Galaad. Il commandait dans tout le pays d'Argob, qui est en Basan, à 60 villes qui étaient fort grandes et fermées de murailles et avaient des portes de bronze. Ahinadab, fils d'Ado, était intendant à Manaïm. Akimaas était préfet de Nephtali et il avait aussi épousé une fille de Salomon nommée Basemat. Baana, fils d'Uzi, était préfet d'Azer et de Baloth. Josaphat, fils de Pharoué, l'était d'Issacar. Séméi, fils d'Ela de Benjamin. Gaber, fils d'Uri, dans la province de Galaad, dans le pays de Séon, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bazan, et sur tout ce qui était en cette région. Le peuple de Juda et d'Israël était innombrable, comme le sable de la mer, et tous mangeaient et buvaient avec une grande joie. Salomon avait sous sa domination tous les royaumes situés entre le fleuve de l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils lui offraient tous des présents et lui demeurèrent assujettis tous les jours de sa vie. Les vivres pour la table de Salomon se composaient chaque jour de 30 mesures de fleurs de farine et de 60 de farine ordinaire, de 10 bœufs gras, de 20 bœufs de pâturage, de 100 béliers, outre la viande de venaison, les cerfs, les chevreuils, les bœufs sauvages et la volaille. Car il dominait sur tous les pays qui étaient de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate, depuis Tafsa jusqu'à Gaza, et tous les rois de ces provinces lui étaient assujettis. et il avait la paix de toutes parts aux alentours. Dans tout Juda et tout Israël, chacun demeurait sans aucune crainte sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Bersabée, pendant tout le règne de Salomon. Et Salomon avait dans ses écuries 40 000 chevaux pour les chars et 12 000 chevaux de selle. Ces officiers du roi, dont on a parlé plus haut, avaient la charge de les nourrir, et ils fournissaient, au temps voulu, avec un soin extrême, tout ce qui était nécessaire pour la table du roi Salomon. Ils faisaient aussi porter l'orge et la paille pour les chevaux et les autres bêtes au lieu où était le roi, selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Dieu donna de plus à Salomon une sagesse et une prudence prodigieuses, et une étendue de cœur aussi grande que celle du sable qui est sur le rivage de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et de tous les Égyptiens. Il était plus sage que tous les hommes, plus sage qu'Étan, l'Ezraïte, qu'Aiman, Chalcol et Dorda, fils de Maol, et sa réputation était répandue dans toutes les nations voisines. Salomon composa aussi 3 000 paraboles, et il fit 5 000 cantiques. Il traita aussi de tous les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, et il traita de même les animaux de la terre, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et l'on venait de tout le pays pour entendre la sagesse de Salomon, et tous les rois de la terre envoyés vers lui pour être instruits par sa sagesse. Hiram, roi de Tyr, envoya aussi ses serviteurs vers Salomon, ayant appris qu'il avait été sacré roi à la place de son père, car Hiram avait toujours été ami de David. Or Salomon envoya vers Hiram et lui fit dire « Vous savez quel a été le désir de David mon père, et qu'il n'a pu bâtir une maison au Seigneur son Dieu, à cause des guerres qui le menaçaient de toutes parts, jusqu'à ce que le Seigneur eût mis ses ennemis sous ses pieds. Mais maintenant, le Seigneur mon Dieu m'a donné la paix avec tous les peuples qui m'environnent, et il n'y a plus d'ennemis ni de calamités fâcheuses. C'est pourquoi j'ai dessein de bâtir un temple au Seigneur mon Dieu, selon que le Seigneur l'a ordonné à David mon père, en lui disant « Votre fils, que je mettrai à votre place sur votre trône, sera celui qui bâtira une maison à mon nom. » Donnez donc ordre à vos serviteurs qu'ils coupent pour moi des cèdres du Liban, et mes serviteurs seront avec les vôtres, et je donnerai à vos serviteurs telle récompense que vous me demanderez, car vous savez que je n'ai personne parmi mon peuple qui sache couper le bois comme les Sidoniens. » Hiram, ayant entendu ces paroles de Salomon, en eut une grande joie. Et il dit « Béni soit le Seigneur Dieu qui donne aujourd'hui à David un fils très sage pour gouverner un si grand peuple. » Et il envoya dire à Salomon « J'ai appris la proposition que vous m'avez fait faire. J'exécuterai tout ce que vous désirerez pour les bois de cèdre et de sapin. Mes serviteurs les porteront du Liban à la mer et je les arrangerai en radeau sur la mer jusqu'au lieu que vous m'aurez marqué. Et je les y ferai débarquer et vous les ferez prendre. Et pour cela, vous me donnerez ce qui me sera nécessaire pour nourrir ma maison. » Hiram donna donc à Salomon des bois de cèdre et de sapin, autant qu'il en désirait. Et Salomon donnait à Hiram pour l'entretien de sa maison 20 000 mesures de froment et 20 mesures d'huile très pure. Et c'est là ce que Salomon fournissait chaque année à Hiram. Le Seigneur donna aussi la sagesse à Salomon, selon qu'il le lui avait promis. Il y avait paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance l'un avec l'autre. Et le roi Salomon choisit des ouvriers dans tout Israël, et il ordonna que l'on prendrait pour cet ouvrage 30 000 hommes. Il les envoyait au Liban, tour à tour, 10 000 chaque mois, de sorte qu'ils demeuraient 2 mois dans leur maison. Et Adoniram avait l'intendance sur eux tous. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient des pierres dans la montagne, sans compter ceux qui avaient l'intendance sur chaque ouvrage, au nombre de 3 300 qui donnaient les ordres au peuple et à ceux qui travaillaient. Et le roi ordonna de prendre de grandes pierres de grand prix pour les fondements du temple et de les préparer. Et les maçons de Salomon et ceux d'Hiram eurent soin de les tailler. Et les gibliens apprêtèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison du Seigneur. On commença donc à bâtir la maison du Seigneur 480 ans après la sortie des enfants d'Israël hors de l'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Zio, qui est le second mois de l'année. La maison que le roi Salomon bâtissait au Seigneur avait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Il y avait, en avant du temple, un vestibule de 20 coudées de long, autant que le peuple avait de largeur. Et il avait 10 coudées de large, et il en était en avant du temple. Et Salomon fit au temple des fenêtres obliques. Et il bâtit des étages sur les murailles du temple, autour de l'enceinte du temple et de l'oracle, et il fit des bas-côtés tout alentour. L'étage d'en bas avait 5 coudées de large, celui du milieu avait 6 coudées de large, et le troisième en avait 7. Il mit des poutres autour de la maison par le dehors, afin que ces étages ne fussent point appuyés sur les murs du temple. Lorsque la maison se construisait, elle fut bâtie de pierres qui étaient toutes taillées et achevées. On n'entendit dans la maison ni marteau, ni hache, ni le bruit d'aucun instrument pendant qu'elle se bâtit. La porte du bas-côté intermédiaire était à droite de la maison, et l'on montait par un escalier tournant à l'étage du milieu et de celui du milieu au troisième. Il bâtit ainsi et acheva la maison, et il la revêtit de lambris de cèdre. Et il fit, au-dessus de tout l'édifice, un plancher de 5 coudées de haut, et il couvrit cette maison de bois de cèdre. Alors le Seigneur parla à Salomon et lui dit, « J'ai vu cette maison que vous bâtissez. Si vous marchez dans mes préceptes, si vous exécutez mes ordonnances et que vous gardiez tous mes commandements sans vous en détourner d'un pas, je vérifierai en votre personne la parole que j'ai dite à David votre père. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Salomon bâtit donc la maison et l'acheva. Il lambrissa dès de cèdre l'intérieur des murailles du temple. Depuis le pavé du temple jusqu'au sommet des murailles et jusqu'au plafond, il le couvrit intérieurement de lambris de cèdre. Et il planchéia le temple de bois de sapin. Il fit aussi une séparation dès de cèdre à 20 coudées au fond du temple, depuis le plancher jusqu'au sommet. Et il fit en cet espace le lieu intérieur de l'oracle, qui est le Saint des Saints. Le temple, depuis l'entrée de l'oracle, avait 40 coudées, et tout le temple était au-dedans lambrissé de cèdre, et les jointures du bois étaient faites avec grand art et ornées de sculptures et de moulures. Tout était revêtu de lambris de cèdre, et il ne paraissait point de pierre dans la muraille. Il fit l'oracle au milieu du temple, dans la partie la plus intérieure, pour y mettre l'arche de l'Alliance du Seigneur. L'oracle avait 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut, et il le couvrit et revêtit d'or très pur. Il couvrit aussi l'autel de bois de cèdre. Il couvrit encore d'un or très pur la partie du temple qui était devant l'oracle, et il attacha les lames d'or avec des clous d'or. Et il n'y avait rien dans le temple qui ne fût couvert d'or. Il couvrit aussi d'or tout l'autel qui était devant l'oracle. Il fit dans l'oracle 2 chérubins de bois d'olivier qui avaient 10 coudées de haut. L'une des ailes du chérubin avait 5 coudées, et l'autre avait aussi 5 coudées. Ainsi, il y avait 10 coudées depuis l'extrémité d'une des ailes jusqu'à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. Les dimensions et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. C'est-à-dire que le premier chérubin avait 10 coudées de haut et le second avait aussi la même hauteur. Il mit les chérubins au milieu du temple intérieur et ils avaient leurs ailes étendues. L'une des ailes du premier chérubin touchait l'une des murailles et l'aile du second chérubin touchait l'autre muraille et leurs secondes ailes se joignaient au milieu du temple. Il couvrit aussi d'or les chérubins. Il orna toutes les murailles du temple tout alentour de moulures et de sculptures, où il fit des chérubins et des palmes en bas-relief et diverses peintures qui semblaient se détacher de leur fond et sortir de la muraille. Il couvrit aussi d'or le pavé du temple, en dedans et au dehors. Il fit à l'entrée de l'oracle de petites portes de bois d'olivier et des poteaux qui étaient à 5 pans. Il fit ces 2 portes de bois d'olivier et il y fit tailler des figures de chérubins et des palmes et des sculptures avec beaucoup de relief. Et il couvrit d'or tant les chérubins que les palmes et tout le reste. Il mit à l'entrée du temple des poteaux de bois d'olivier qui étaient taillés à 4 faces. Et il y mit 2 portes de bois de sapin, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Chaque porte était brisée et elle s'ouvrait tout en ayant ses 2 parties unies ensemble. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et d'autres ornements avec beaucoup de saillies et il couvrit de lames d'or le tout, bien dressé à la règle et à l'équerre. Il bâtit aussi le parvis intérieur de 3 assises de pierre polie avec un rang de bois de cèdre. Les fondements de la maison du Seigneur furent posés la 4e année. Au mois de Zio, et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut entièrement achevée dans toutes ses parties et dans tout ce qui devait servir au culte, et Salomon mit 7 ans à la bâtir. Salomon bâtit et acheva entièrement son palais en 13 ans. Il bâtit aussi la maison de la forêt du Liban, qui avait 100 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut et 4 galeries entre des colonnes de bois de cèdre, car il avait fait tailler les colonnes en bois de cèdre. Et il revêtit de lambris de bois de cèdre tout le plafond, qui était soutenu par 45 colonnes. Chaque rang avait 15 colonnes qui étaient posées l'une vis-à-vis de l'autre et se regardaient l'une l'autre étant placées à égale distance. Et il y avait sur les colonnes des poutres carrées toutes d'une même grosseur. Il fit aussi le portique des colonnes qui avait 50 coudées de long et 30 coudées de large et encore une autre galerie en avant de la plus grande avec des colonnes et des architraves sur les colonnes. Il fit aussi le portique du trône, où était le tribunal, et il le lambrissa de bois de cèdre depuis le plancher jusqu'au sommet. La maison, où était son lit de justice, était au milieu du portique et de même travail. Salomon fit aussi pour la fille du pharaon qu'il avait épousée un palais d'une même architecture que ce portique. Tous ces édifices, depuis les fondements jusqu'au haut des murs et par dehors jusqu'au grand parvis, étaient construits de pierres d'un grand prix, dont les 2 parements, tant l'intérieur que l'extérieur, avaient été sciés tout d'une même forme et d'une même mesure. Les fondements étaient aussi en pierres précieuses et très grandes, de 10 à 8 coudées. Il y avait au-dessus de très belles pierres, taillées d'une même grandeur, couvertes aussi de lambris de cèdre. Le grand parvis était rond et avait 3 rangs de pierres taillées et un rang lambrissé de cèdre, ce qui était observé aussi dans le parvis intérieur de la maison du Seigneur et dans le vestibule du temple. Le roi Salomon fit aussi venir de Tyr Hiram, qui était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était de Tyr. Il travaillait sur le bronze et il était rempli de sagesse, d'intelligence et de science pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. Hiram, étant donc venu auprès du roi Salomon, fit tous les ouvrages qu'il lui confia. Il fit 2 colonnes de bronze, dont chacune avait 18 coudées de haut et une ligne de 12 coudées mesurait chaque colonne. Il fit aussi 2 chapiteaux de bronze qu'il coula en fonte pour mettre en haut de chaque colonne. L'un des chapiteaux avait 5 coudées de haut et l'autre avait aussi la même hauteur de 5 coudées. Et on y voyait une espèce de raie et de chaînes entrelacées l'une dans l'autre avec un art admirable. Chaque chapiteau de ces colonnes était coulé en fonte. Il y avait 7 rangs de mailles dans le réseau de l'un des chapiteaux et autant dans l'autre. Il fit pour ces colonnes 2 rangs de grenades autour des treillis pour couvrir les chapiteaux qui étaient au-dessus. Il fit le second chapiteau comme le premier. Les chapiteaux qui étaient en haut des colonnes dans le parvis étaient faits en forme de lys et avaient 4 coudées de haut. Et il y avait encore, au sommet des colonnes, au-dessus des raies, d'autres chapiteaux proportionnés à la colonne. Et autour de ce second chapiteau, il y avait 200 grenades disposées en 2 rangs. Il mit les 2 colonnes au vestibule du temple et, ayant dressé la colonne droite, il l'appela Jachin. Il dressa de même la seconde colonne, qu'il appela Bose. Il mit au-dessus des colonnes ce travail en forme de lys, et l'ouvrage des colonnes fut ainsi entièrement achevé. Il fit aussi la mer d'airain, de 10 coudées d'un bord à l'autre, et toute ronde. Elle avait 5 coudées de haut, et une corde de 30 coudées mesurait sa circonférence. Et sous le bord, une sculpture de 10 coudées environnait cette mer. C'était 2 rangs de sculptures striées en airain. Cette mer reposait sur 12 bœufs, dont 3 regardaient le septentrion, 3 l'occident, 3 le midi et 3 l'orient. Et la mer était posée sur eux et toute leur partie postérieure était cachée en dedans. Le bassin avait 3 pouces d'épaisseur et son bord était comme le bord d'une coupe et comme la feuille d'un lys épanoui. Et il contenait 2000 battes. Il fit aussi 10 bases d'airain, dont chacune avait 4 coudées de long, 4 coudées de large et 3 coudées de haut. Et cet ouvrage des bases était ciselé, et il y avait des sculptures entre les jointures. Là, entre des couronnements et des bordures, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et de même, dans les jointures, par-dessus, et au-dessus des lions et des bœufs, pendaient comme des courroies d'airain. Chaque base avait 4 roues d'airain et des essieux d'airain. Aux 4 angles, il y avait comme des jantes en fonte qui se regardaient l'une l'autre. En haut de la base, il y avait une ouverture pour le bassin, et ce qui en paraissait au dehors était entièrement rond d'une coudée. La largeur avait 1 coudée et demie. Aux angles des colonnes étaient diverses ciselures et ce qui était entre les colonnes n'était pas rond, mais carré. Et les 4 roues qui étaient aux 4 angles de la base étaient jointes ensemble par-dessous la base et chaque roue avait 1 coudée et demie de haut. Ces roues étaient semblables à celles d'un char. Leurs essieux, leurs rayons, leurs jantes et leurs moyeux étaient tous en fonte. Et les 4 consoles qui étaient aux angles de chaque base, faisaient une même pièce avec elle et étaient de même fonte. Au sommet de la base, il y avait un rebord rond d'une demi-coudée, travaillé de telle sorte qu'un bassin pouvait être placé dessus. Il était orné de ciselures et de sculptures variées, formant une seule pièce avec la base. Il sculpta aussi, sur les surfaces, qui étaient d'airain et aux angles, des chérubins, des lions et des palmes. Ces chérubins représentaient comme un homme debout, en sorte qu'ils paraissaient non pas ciselés, mais ajoutés tout alentour. Il fit ainsi 10 bases fondues d'une même manière, de même grandeur et de sculpture pareille. Il fit aussi 10 bassins d'airain, chacun desquels contenait 40 battes et avait 4 coudées. Et il posa chaque bassin sur chacun des 10 bases. Et il plaça ces 10 socles, 5 au côté droit du temple et 5 au côté gauche. Et il mit la mer d'airain au côté droit du temple, entre l'Orient et le Midi. Hiram fit aussi des marmites, des chaudrons et des bassins. Et il acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon voulait faire dans le temple du Seigneur. Les 2 colonnes et les 2 cordons sur les chapiteaux, avec 2 réseaux pour couvrir les 2 cordons qui étaient aux chapiteaux des colonnes. Et 400 grenades pour les 2 réseaux, savoir 2 rangs de grenades dans chaque réseau dont étaient couverts les 2 cordons des chapiteaux qui étaient au sommet des colonnes. Et les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, et la mer, et les 12 bœufs sous cette mer, et des marmites, des chaudrons et des bassins. Tous ces objets que fit Hiram par ordre du roi Salomon pour la maison du Seigneur étaient d'airain. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Socot et Sartan. Salomon mit dans le temple tous ces objets, et il y en avait une si grande quantité qu'on ne pouvait marquer le poids de l'airain employé. Salomon fit aussi tout ce qui devait servir dans la maison du Seigneur, l'autel d'or et la table d'or sur laquelle on devait mettre les pains de proposition, et les chandeliers d'or, 5 à droite et 5 à gauche devant l'oracle qui était de fin or, et au-dessus d'eux, des fleurs de lys et des lampes d'or. Il fit aussi des pincettes d'or, des aiguillères, des fourchettes, des coupes, des mortiers et des encensoirs d'un or très pur. Les gonds des portes de la maison intérieure du Saint des Saints et des portes de la maison du Temple étaient aussi d'or. Ainsi, Salomon acheva tous les ouvrages qu'il faisait pour la maison du Seigneur, et il porta dans le temple l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés à Dieu. Et il les mit en réserve dans les trésors de la maison du Seigneur. Alors, tous les anciens d'Israël, avec les princes des tribus et tous les chefs des familles des enfants d'Israël, s'assemblèrent et vinrent trouver le roi Salomon à Jérusalem pour transporter l'arche de l'alliance du Seigneur de la ville de David, c'est-à-dire de Sion. Tout Israël s'assembla aussi auprès du roi Salomon en un jour solennel du mois d'Étanim, qui est le 7e mois. Tous les anciens d'Israël étant venus, les prêtres prirent l'arche du Seigneur et la portèrent avec le tabernacle de l'Alliance et tous les ustensiles du sanctuaire qui étaient dans le tabernacle, et les prêtres et les lévites les portèrent. Le roi Salomon et tout le peuple qui s'était assemblé auprès de lui marchaient devant l'arche, et ils immolaient une multitude de brebis et de bœufs sans prix et sans nombre. Les prêtres portèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur au lieu qui lui était destiné, dans l'oracle du Temple, dans le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus du lieu où était l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres. Et ils retirèrent les barres en avant, de sorte qu'on en voyait les extrémités dès l'entrée du sanctuaire devant l'oracle, mais elles ne paraissaient point au dehors, et elles sont demeurées là jusqu'à ce jour. Or, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait mises sur l'Horeb, lorsque le Seigneur fit alliance avec les enfants d'Israël aussitôt après leur sortie d'Égypte. Lorsque les prêtres furent sortis du sanctuaire, une nuée remplit la maison du Seigneur, et les prêtres ne pouvaient plus s'y tenir ni accomplir leurs fonctions à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Alors Salomon dit, « Le Seigneur a dit qu'il habiterait dans une nuée. J'ai bâti une maison qui sera votre demeure et votre trône très solide à tout jamais. » Et le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Car tout Israël était là, debout. Et Salomon dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui par sa puissance a exécuté ce qu'il avait promis en disant, « Depuis le jour où j'ai tiré d'Égypte Israël mon peuple, je n'ai point choisi de ville dans toutes les tribus d'Israël, afin qu'on m'y bâtît une maison, et que mon nom y fût établi. Mais j'ai choisi David, afin qu'il fût chef de mon peuple Israël. » Et David, mon père, avait voulu bâtir une maison au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Mais le Seigneur dit à David, mon père, « Quand vous avez pensé dans votre cœur à bâtir une maison à mon nom, vous avez bien fait de prendre en vous-même cette résolution. Néanmoins, ce n'est pas vous qui me bâtirez une maison, mais votre fils, qui sortira de votre sein, bâtira, lui, une maison à mon nom. » Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite. « J'ai succédé à David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur, et j'ai bâti une maison au nom du Seigneur Dieu d'Israël. J'ai établi ici le lieu de l'arche, où est l'alliance que le Seigneur fit avec nos pères lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte. » Salomon se tint ensuite devant l'autel du Seigneur, à la vue de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers le ciel, et il dit, « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu qui vous ressemble, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. À vous, qui gardez l'alliance et la miséricorde envers vos serviteurs qui marchent devant vous de tout leur cœur, qui avez gardé à votre serviteur David, mon père, ce que vous lui avez promis. Votre bouche l'a prononcé et vos mains l'ont accompli comme ce jour le prouve. Maintenant donc, Seigneur Dieu d'Israël, conservez à votre serviteur David, mon père, ce que vous lui avez promis, en disant, vous ne manquerez point d'héritier qui soit assis devant moi sur le trône d'Israël, pourvu néanmoins qu'il veille sur leur voie, de manière à marcher en ma présence comme vous avez marché devant moi. Accomplissez donc, Seigneur Dieu d'Israël, les paroles que vous avez dites à votre serviteur David, mon père. Mais est-il croyable que Dieu habite véritablement sur la terre? Car si les cieux et les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie? Mais ayez égard, Seigneur mon Dieu, à l'oraison de votre serviteur et à ses prières. Écoutez l'hymne et l'oraison que votre serviteur profère devant vous aujourd'hui, afin que vos yeux soient couverts jour et nuit sur cette maison dont vous avez dit « Mon nom sera là », afin que vous exauciez la prière que votre serviteur vous adresse en ce lieu, afin que vous exauciez la prière de votre serviteur et toutes celles que votre peuple Israël vous offrira en ce lieu. Et vous les exaucerez du lieu de votre demeure dans le ciel, et les ayant exaucés, vous leur ferez miséricorde. Si un homme pèche contre son prochain, et s'il a quelque serment par lequel il soit lié, et s'il vient dans votre maison, devant votre autel, à cause du serment, vous écouterez du ciel, et vous ferez justice à vos serviteurs, condamnant le coupable, et faisant retomber sa perfidie sur sa tête, et justifiant le juste en lui rendant selon sa justice. Si votre peuple Israël fuit devant ses ennemis parce qu'il aura péché contre vous, et si, faisant pénitence et rendant gloire à votre nom, ils viennent vous prier et vous implorer dans cette maison, exaucez-les du ciel et pardonnez le péché de votre peuple Israël et ramenez-les dans la terre que vous avez donnée à leur père. Si le ciel est fermé, et s'il ne pleut pas à cause de leurs péchés, et que, priant en ce lieu, ils fassent pénitence en votre nom, et se convertissent de leurs péchés à cause de leur affliction, exaucez-les du ciel, et pardonnez les péchés de vos serviteurs et de votre peuple Israël, et montrez-leur la voie droite par laquelle ils doivent marcher. Et répandez la pluie sur votre terre que vous avez donnée en possession à votre peuple. S'il survient dans le pays, ou famine, ou peste, ou corruption de l'air, ou la nielle, ou la sauterelle, ou la rouille, ou si l'ennemi de votre peuple l'afflige en assiégeant ses portes, ou s'il est frappé de quelque plaie et de quelque infirmité, pour toute malédiction ou imprécation qui arrivera à tout homme de votre peuple Israël, si quelqu'un connaît la plaie de son cœur et étend ses mains vers vous dans cette maison, vous l'exaucerez du ciel, du lieu de votre demeure. Vous lui serez de nouveau propice et vous agirez de manière à donner à chacun selon toutes ses voies, selon que vous verrez son cœur. Car vous connaissez seul le cœur de tous les enfants des hommes, afin que vos serviteurs vous craignent tant qu'ils vivront sur la face de la terre que vous avez donnée à nos pères. De plus, lorsqu'un étranger qui ne sera point de votre peuple Israël viendra d'un pays lointain à cause de votre nom, car la grandeur de votre nom, la force de votre main, de votre bras étendu seront connues partout, lors donc il viendra prier en ce lieu, vous l'exaucerez du ciel, du firmament où vous demeurez, et vous ferez tout ce que l'étranger vous aura demandé, afin que tous les peuples de la terre apprennent à craindre votre nom comme votre peuple Israël, et qu'ils éprouvent que votre nom a été invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Lorsque votre peuple ira au combat contre ses ennemis, par quelque chemin que vous les ayez envoyés, ils vous prieront. Tournez vers la ville que vous avez choisie et vers la maison que j'ai bâtie à votre nom. Vous exaucerez du ciel leurs supplications et leurs prières, et vous leur rendrez justice. Que, s'ils pêchent contre vous, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'étant irrités, vous les livriez à leurs ennemis, et qu'ils soient emmenés captifs dans le pays de leurs ennemis, ou loin, ou tout près, s'ils font pénitence du fond du cœur dans le lieu de leur captivité, et s'ils se convertissent et vous prient dans leur captivité en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait des actions impies », s'ils reviennent à vous de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis où ils auront été emmenés captifs, et s'ils vous prient tourner vers le chemin de la terre que vous avez donnée à leur père et de la ville que vous avez choisie et du temple que j'ai bâti à votre nom, vous exaucerez du ciel, du firmament où est votre trône, leurs supplications et leurs prières. Et vous leur ferez justice, et vous serez propice à votre peuple qui a péché contre vous, et à toutes les iniquités par lesquelles ils ont prévariqué contre votre loi, et vous inspirerez de la pitié à ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu'ils aient compassion d'eux. Car c'est votre peuple et votre héritage que vous avez tiré du pays d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que vos yeux soient donc ouverts aux prières de votre serviteur et de votre peuple Israël, afin que vous les exauciez dans toutes les demandes qu'ils vous feront. Car c'est vous, Seigneur Dieu, qui les avez séparés de tous les peuples de la terre pour en faire votre héritage, selon que vous l'avez déclaré par Moïse, votre serviteur, lorsque vous avez tiré nos pères d'Égypte. Or, quand Salomon eut achevé d'offrir au Seigneur cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel du Seigneur, car il avait mis les deux genoux en terre et il avait étendu ses mains vers le ciel. Il se tint donc debout et bénit toute l'assemblée d'Israël en disant à haute voix « Béni soit le Seigneur qui a donné la paix à son peuple Israël selon tout ce qu'il avait promis. Il n'est pas tombé une seule parole de tous les biens qu'il avait promis par Moïse, son serviteur. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, ne nous abandonnant pas et ne nous rejetant pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous gardions ses préceptes et ses cérémonies, et toutes les ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Et que les paroles par lesquelles j'ai prié devant le Seigneur soient présentes jour et nuit au Seigneur notre Dieu, afin que chaque jour il fasse justice à son serviteur et à son peuple Israël. Afin que tous les peuples de la terre sachent que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y a point d'autre que lui. que notre cœur aussi soit parfait avec le Seigneur notre Dieu, afin que nous marchions selon ses préceptes et que nous gardions ses commandements comme en ce jour. » Le roi donc, et tout Israël avec lui, immolèrent des victimes devant le Seigneur. Et Salomon égorgea et immola au Seigneur comme hostie pacifique 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Et le roi, avec les enfants d'Israël, dédièrent le temple du Seigneur. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui était devant la maison du Seigneur, car il y offrit des holocaustes, des sacrifices et la graisse des hosties pacifiques, car l'autel des reins qui était devant le Seigneur était trop petit et ne pouvait suffire pour les holocaustes, les sacrifices et les graisses des hosties pacifiques. Salomon fit donc alors une fête célèbre, et tout Israël la fit aussi avec lui. Multitude immense venue depuis l'entrée d'Emath jusqu'au fleuve d'Égypte, devant le Seigneur notre Dieu, pendant 7 jours et 7 jours, c'est-à-dire 14 jours. Et le 8e jour, il renvoya le peuple, et bénissant le roi, ils s'en retournèrent dans leur maison, joyeux et le cœur plein d'allégresse, pour tous les biens que le Seigneur avait fait à David, son serviteur, et à son peuple Israël. Or il arriva que Salomon, ayant achevé de bâtir la maison du Seigneur, le palais du roi, et tout ce qu'il avait souhaité et voulu faire, le Seigneur lui apparut une seconde fois, comme il lui avait apparu à Gabaon. Et le Seigneur lui dit, « J'ai exaucé votre prière et la supplication que vous m'avez adressée. J'ai sanctifié cette maison que vous avez bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y seront toujours. Et vous, si vous marchez devant moi comme a marché votre père, dans la simplicité du cœur et la droiture, si vous faites tout ce que je vous ai commandé, et si vous gardez mes lois et mes commandements, j'établirai à jamais votre trône et votre règne sur Israël, selon que je l'ai promis à David votre père, en disant, « Il y aura toujours de votre race quelque héritier assis sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos enfants, si vous cessez de me suivre et de garder mes préceptes et les cérémonies que je vous ai prescrites, et que vous alliez servir et adorer les dieux étrangers, j'enlèverai Israël de la surface de la terre que je leur ai donnée. Je rejetterai loin de moi ce temple que j'ai consacré à mon nom, et Israël deviendra le proverbe et la fable de tous les peuples. Et cette maison sera un exemple, et quiconque passera devant elle sera dans la stupeur. » Et sifflera, et dira, « Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité cette terre et cette maison ?» Et on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avait tiré leur père de l'Égypte, et qu'ils ont suivi des dieux étrangers, auxquels ils ont rendu l'adoration et le culte. C'est pour cela que le Seigneur a amené sur eux tous ces maux. » 20 ans s'étant passés, pendant lesquels Salomon bâtit les deux maisons, c'est-à-dire la maison du Seigneur et la maison du roi, Hiram, roi de Tyr, lui fournissant tous les bois de cèdre et de sapin et l'or selon le besoin qu'il en avait, Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Et Hiram vint de Tyr pour voir ces villes que Salomon lui avait données. Mais elles ne lui plurent pas. Et il dit, « Sont-ce là, mon frère, les villes que vous m'avez données ?» Et il appela cette contrée la terre de Chabul, comme elle s'appelle encore aujourd'hui. Hiram envoya aussi au roi Salomon 120 talents d'or. Et la raison qu'eut le roi Salomon de mettre un tribut sur son peuple fut la grande dépense qu'il fut obligé de faire pour bâtir la maison du Seigneur et sa maison, pour bâtir Mélo, les murailles de Jérusalem, Ézer, Magédo et Gazer. Le pharaon, roi d'Égypte, était venu prendre Gazer et l'avait brûlé. Et il avait détruit les Cananéens qui habitaient dans la ville et il avait donné pour dot à sa fille que Salomon avait épousée. Salomon rebâtit donc Gazer et la basse Bétoron, Baalat et Palmyre dans le pays du désert. Il fortifia aussi toutes les bourgades qui étaient à lui et qui n'avaient point de murailles, les villes pour les chars et les villes pour les cavaliers, et bâtit tout ce qu'il lui plut à Jérusalem, sur le Liban et dans toute l'étendue de son royaume. Quant au peuple qui restait des Amoréens, des Hétéens, des Phérézéens, des Évéens et des Jébuséens, lesquels ne faisaient point partie des fils d'Israël, Salomon rendit tributaires leurs enfants, qui étaient demeurés dans le pays et que les Israélites n'avaient pu exterminer, et ils sont restés tributaires jusqu'à ce jour. Il ne voulut point qu'aucun des enfants d'Israël servît comme esclave, mais il en fit ses hommes de guerre, ses ministres, ses principaux officiers et les chefs de ses armées, et il commandait les chars et la cavalerie. Les chefs préposés à tous les travaux de Salomon étaient au nombre de 550. Le peuple leur était soumis, et ils avaient l'intendance de tous les ouvrages qu'il avait entrepris. Après cela, la fille de Pharaon vint de la ville de David dans sa maison que Salomon lui avait bâtie. Ce fut alors que le roi bâtit Mélo. Salomon offrait aussi 3 fois l'année des holocaustes et des victimes pacifiques sur l'autel qu'il avait élevé au Seigneur, et il brûlait du parfum devant le Seigneur après que le temple eut été achevé. Le roi Salomon construisit aussi une flotte à Azion-Gaber, qui est près des Lattes, sur le rivage de la mer Rouge, au pays d'Idumée. Hiram envoya sur cette flotte, avec les serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, gens de mer, habiles dans la navigation. Ils allèrent à Ophir et y prirent 420 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. La reine de Saba, ayant appris la réputation que Salomon s'était acquise par tout ce qu'il faisait au nom du Seigneur, vint pour l'éprouver par des énigmes. Et étant entrée dans Jérusalem avec une grande suite et de riches présents, avec des chameaux qui portaient des aromates et une quantité infinie d'or et de pierres précieuses, elle se présenta devant le roi Salomon et lui découvrit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Et Salomon l'instruisit sur toutes les choses qu'elle lui avait proposées. Et il n'y en eut aucune que le roi ignora, et sur laquelle il ne lui put répondre. Or, la reine de Saba, voyant toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses officiers, le bel ordre avec lequel il le servait, la magnificence de leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur étaient tout hors d'elle-même. Et elle dit au roi, « C'était bien vrai ce qu'on m'avait rapporté dans mon royaume, sur vos paroles et votre sagesse, et je ne croyais pas néanmoins ce qu'on m'en disait, jusqu'à ce que je fusse venu moi-même et que je l'eusse vu de mes propres yeux. Et j'ai reconnu qu'on ne m'en avait pas dit la moitié. Votre sagesse et vos œuvres dépassent tout ce que la renommée m'en avait appris. Heureux vos gens, heureux vos serviteurs qui jouissent toujours de votre présence et qui entendent votre sagesse. Béni soit le Seigneur votre Dieu qui s'est complu en vous et qui vous a fait asseoir sur le trône d'Israël parce qu'il a aimé Israël pour jamais et qu'il vous a établi roi pour régner avec équité et justice. » Elle donna ensuite au roi 120 talents d'or, une quantité infinie de parfums et de pierres précieuses. On n'a jamais apporté depuis à Jérusalem tant de parfums que la reine de Saba en donna au roi Salomon. La flotte d'Hiram, qui apportait l'or d'Ophir, apporta aussi une grande quantité de bois très rare et des pierres précieuses. Et le roi fit faire de ces bois rares les balustrades de la maison du seigneur et de la maison du roi, des harpes et des lyres pour les musiciens. On apporta, et on ne vit jamais de cette sorte de bois jusqu'à ce jour. Or le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira et ce qu'elle lui demanda, outre les présents qu'il lui fit de lui-même avec une magnificence royale. Et la reine s'en retourna et s'en alla dans son royaume avec ses serviteurs. Le poids de l'or qu'on apportait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, sans compter ce que lui apportaient ceux qui avaient l'intendance des tribus, les gens de trafic, les marchands de choses curieuses, tous les rois d'Arabie et tous les gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit aussi 200 grands boucliers d'un or très pur. Il donna pour chaque bouclier 600 sicles d'or. Il fit aussi 300 boucliers plus petits de fin or. Chacun de ces boucliers était revêtu de 300 mines d'or, et le roi les mit dans la maison du bois du Liban. Le roi Salomon fit aussi un grand trône d'ivoire, qu'il revêtit d'un or très pur. Ce trône avait 6 degrés. Le haut était rond par derrière, et il avait 2 mains, l'une d'un côté et l'autre de l'autre, qui tenaient le siège, et 2 lions auprès des 2 mains. Il y avait 12 lionceaux sur les 6 degrés, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et il ne s'est jamais fait un si bel ouvrage dans tous les royaumes du monde. Tous les vases où le roi Salomon buvait étaient aussi d'or, et toute la vaisselle de la maison du bois du Liban était d'un or très pur. L'argent n'était plus considéré, et on n'en tenait aucun compte sous le règne de Salomon, parce que sa flotte avec celle d'Hiram faisait voile de 3 ans en 3 ans, et allait à Tarsis, d'où elle rapportait de l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et des paons. Le roi Salomon surpassa donc tous les rois du monde en richesse et en sagesse, et toute la terre désirait voir le visage de Salomon pour écouter la sagesse que Dieu lui avait répandue dans le cœur. Et chacun lui envoyait tous les ans des présents, des vases d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux et des mulets. Et Salomon réunit un grand nombre de chars et de cavaliers. Il eut 1 400 chars et 12 000 cavaliers, et il les distribua dans les villes fortes et à Jérusalem auprès de sa personne. Il rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui naissent dans la campagne. On faisait venir aussi d'Égypte et de Coa des chevaux pour Salomon, car ceux qui trafiquaient pour le roi les achetaient à Coa et les lui amenaient pour un prix déterminé. On lui amenait un char d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150. Et tous les rois des Hétéens et de Syrie lui vendaient ainsi des chevaux. Or le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, entre autres la fille du Pharaon, des femmes de Moab et d'Ammon, des femmes d'Idumée, des Sidoniennes et des Hétéennes, appartenant aux nations dont le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'en prendrez point les femmes, et vos filles n'en épouseront point les hommes, car ils vous pervertiront très certainement le cœur pour vous faire adorer leur Dieu. » Salomon s'attacha donc à ses femmes avec une passion très ardente. Et il eut 700 femmes qui étaient comme des reines, et 300 qui étaient ses concubines. Et ses femmes lui pervertirent le cœur. Et lorsqu'il était déjà vieux, les femmes lui corrompirent le cœur pour lui faire suivre des dieux étrangers. Et son cœur n'était point parfait devant le Seigneur son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. Mais Salomon adorait Astarté, déesse des Sidoniens, et Moloch, l'idole des Ammonites. Et Salomon fit ce qui n'était point agréable au Seigneur, et ne suivit point le Seigneur parfaitement, comme avait fait David son père. Salomon bâtit alors un temple à Camos, idole des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Moloch, l'idole des enfants d'Ammon. Et il fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. Le Seigneur s'irrita donc contre Salomon, de ce que son esprit s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël, qui lui était apparu une seconde fois et qui lui avait défendu expressément d'adorer les dieux étrangers et de ce qu'il n'avait point gardé ce que le Seigneur lui avait commandé. Le Seigneur dit donc à Salomon, « Parce que vous avez agi ainsi et que vous n'avez point gardé mon alliance ni les commandements que je vous avais faits, je déchirerai et diviserai votre royaume, et je le donnerai à l'un de vos serviteurs. Néanmoins, je ne le ferai pas pendant votre vie, à cause de David votre père. C'est de la main de votre fils que je ferai cette division. Je ne lui ôterai cependant pas le royaume tout entier, mais j'en donnerai une tribu à votre fils, à cause de David mon serviteur, et de Jérusalem que j'ai choisi. » Or le Seigneur suscita pour ennemi à Salomon Hadad, l'Iduméen, de la race royale qui était dans Édom. Car lorsque David était dans l'Idumée, Joab, général de son armée, y vint pour ensevelir ceux qui avaient été tués et pour mettre à mort tous les mâles dans l'Idumée. Et il y demeura pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël pendant qu'il tuait tous les mâles de l'Idumée. Alors, Hadad s'enfuit du pays avec des Iduméens, serviteurs de son père, pour se retirer en Égypte. Et Hadad n'était alors qu'un petit enfant. De Madian, ils allèrent à Pharan, et ayant pris avec eux des gens de Pharan, ils entrèrent en Égypte et se présentèrent au Pharaon, roi d'Égypte, qui donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui octroya des terres. Et Hadad s'acquit tellement l'affection du Pharaon que celui-ci lui fit épouser la propre sœur de la reine, Taphnès, sa femme. Et de cette sœur de la reine, il eut un fils nommé Génubath, que Taphnès nourrit dans la maison du Pharaon. Et Génubath demeurait dans le palais du Pharaon avec les enfants du roi. Hadad, ayant ensuite appris en Égypte que David s'était endormi avec ses pères et que Joab, général de son armée, était mort, il dit au Pharaon, « Laissez-moi aller dans mon pays. » Le Pharaon lui dit, « Que vous manque-t-il chez moi pour que vous désiriez retourner dans votre pays ?» Hadad lui répondit, « Rien ne me manque, mais je vous supplie de me laisser aller. » Dieu suscita aussi à Salomon pour ennemi Razon, fils d'Eliada, qui s'était enfui d'auprès d'Adarézer, roi de Soba, son seigneur. Il assembla des gens contre lui et devint prince de voleurs lorsque David leur faisait la guerre. Ils vinrent à Damas et y habitèrent, et ils l'établirent roi à Damas. Il fut ennemi d'Israël pendant tout le règne de Salomon. Voilà d'où vint la mauvaise volonté et la haine d'Hadad contre Israël, et Razon régna en Syrie. Jéroboam, fils de Nabath, éphratéen de Saréda, serviteur de Salomon, dont la mère était une veuve nommée Sarva, se souleva aussi contre le roi. Et le sujet de sa révolte contre ce prince vint de ce que Salomon avait bâti Mélo et avait rempli l'abîme qui était dans la ville de David, son père. Or, Jéroboam était un homme fort et puissant, et Salomon, voyant que c'était un jeune homme intelligent et très capable en affaires, lui avait donné l'intendance des tribus de toute la maison de Joseph. Il arriva en ce même temps que Jéroboam sortit de Jérusalem et que le prophète Aias, Silonite, ayant sur lui un manteau neuf, rencontra Jéroboam sur le chemin. Ils n'étaient que deux dans les champs, et Aias, prenant le manteau neuf qu'il avait sur lui, le coupa en 12 parts, et dit à Jéroboam, « Prenez 10 parts pour vous, car voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël, je déchirerai et diviserai le royaume des mains de Salomon, et je vous en donnerai 10 tribus. » Il lui demeura néanmoins une tribu, à cause de David mon serviteur, et de la ville de Jérusalem que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Car Salomon m'a abandonné, et a adoré Astarté, déesse des Sidoniens, Camos, dieu de Moab, et Moloch, dieu des enfants d'Ammon, et il n'a point marché dans mes voies pour faire ce qui était juste devant moi, et pour accomplir mes préceptes et mes ordonnances comme David son père. Cependant, Je n'ôterai pas le royaume d'entre ses mains, mais je l'établirai chef sur mon peuple pendant tous les jours de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a gardé mes ordonnances et mes préceptes. Mais j'ôterai le royaume d'entre les mains de son fils, et je vous en donnerai 10 tribus, et je donnerai 1 tribu à son fils, afin qu'il demeure toujours à mon serviteur David, une lampe qui luise devant moi dans la ville de Jérusalem, que j'ai choisie pour y établir mon nom. Mais pour vous, je vous prendrai, et vous régnerez sur tout ce que votre âme désire, et vous serez roi sur Israël. Si donc vous écoutez tout ce que je vous ordonne, si vous marchez dans mes voies, et que vous fassiez ce qui est juste et droit devant mes yeux, en gardant mes ordonnances et mes préceptes, comme a fait David, mon serviteur, je serai avec vous. Je vous bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à mon serviteur David, et je vous mettrai en possession d'Israël. Et j'affligerai de cette manière la race de David, mais non pour toujours. Salomon voulut donc faire mourir Jéroboam, mais il s'enfuit en Égypte, vers Sézac, roi d'Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort de Salomon. Tout le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, et tout ce qui regarde sa sagesse, est écrit dans le livre du règne de Salomon. Le temps pendant lequel il régna dans Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli dans la ville de David son père, et Roboam son fils régna à sa place. Alors Roboam vint à Sichem, car tout Israël s'y était assemblé pour l'établir roi. Mais Jéroboam, fils de Nabat, qui était encore en Égypte, où il s'était réfugié loin du roi Salomon, ayant appris sa mort, revint de l'Égypte. Et on envoya vers lui, et on le rappela. Jéroboam vint donc, avec tout le peuple d'Israël, trouver Roboam, et ils lui dirent « Votre père nous a imposé un joug très dur. » Diminuez donc maintenant un peu le commandement très dur de votre père et le joug très pesant qu'il nous a imposé et nous vous servirons. Roboam leur répondit, allez, et dans 3 jours, revenez me trouver. Le peuple s'étant retiré, le roi Roboam tint un conseil avec les vieillards qui assistaient Salomon son père lorsqu'il vivait encore, et il leur dit, quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple? Ils lui répondirent, si vous obéissez maintenant à ce peuple, si vous vous soumettez à eux, et si vous vous rendez à leurs demandes en leur parlant avec douceur, ils s'attacheront pour toujours à votre service. Mais Roboam, n'approuvant pas le conseil que les vieillards lui avaient donné, voulut consulter les jeunes gens qui avaient été nourris avec lui et qui l'assistaient. Et il leur dit, « Quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple qui est venu me dire, « Adoucissez un peu le joug que votre père a imposé sur nous. » Ces jeunes gens, qui avaient été nourris avec lui, lui répondirent, « Voici la réponse que vous ferez à ce peuple qui est venu vous dire, « Votre père a rendu notre joug très pesant, vous allégez-le. » Vous lui parlerez en ces termes, « Le plus petit de mes doigts est plus gros que le dos de mon père. » Si donc mon père vous a imposé un joug pesant, moi je le rendrai encore plus lourd. Mon père vous a battu avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des verges de fer. » Jéroboam vint donc avec tout le peuple trouver Roboam le 3e jour, selon la parole que le roi leur avait dite, « Revenez me trouver dans 3 jours. » Et le roi répondit durement au peuple, et abandonnant le conseil que les vieillards lui avaient donné, il leur parla selon le conseil des jeunes gens, et il leur dit, « Mon père vous a imposé un joug pesant, mais moi je le rendrai encore plus lourd. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des verges de fer. » Et le roi ne se rendit point à la volonté du peuple, parce que le Seigneur s'était détourné de lui dans sa colère, pour vérifier la parole qu'il avait dite à Jéroboam, fils de Nabat, par Aias le Silonite. Le peuple, voyant donc que le roi n'avait point voulu les écouter, lui répondit, « Quelle part avons-nous avec David? Quel est notre héritage avec le fils d'Isaïe? Israël, retirez-vous dans vos tentes, et vous, David, pourvoyez maintenant à votre maison. » Israël se retira donc dans ses tentes. Mais Roboam régna sur tous les fils d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda. Le roi, Roboam, envoya ensuite Adoram, qui avait la surintendance des tribus, mais tout le peuple le lapida, et il mourut. Le roi Roboam monta aussitôt sur son char et s'enfuit à Jérusalem. Et Israël se sépara de la maison de David jusqu'à ce jour. Alors tout Israël, ayant appris que Jéroboam était revenu, ils l'envoyèrent chercher et le firent venir dans une assemblée où ils l'établirent roi sur tout Israël. Et nul ne suivit la maison de David que la seule tribu de Juda. Roboam, lorsqu'il fut à Jérusalem, assembla toute la tribu de Juda et la tribu de Benjamin et vint avec 180 000 hommes de guerre choisis pour combattre contre la maison d'Israël et pour réduire le royaume sous l'obéissance de Roboam, fils de Salomon. Alors le Seigneur adressa la parole à Séméias, homme de Dieu, et lui dit « Parlez à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, à toute la maison de Juda et de Benjamin, et à tout le reste du peuple, et dites-leur « Voici ce que dit le Seigneur, vous ne monterez pas, et vous ne ferez pas la guerre aux fils d'Israël, vos frères. Que chacun retourne en sa maison, car c'est moi qui ai fait ces choses. » Ils écoutèrent la parole du Seigneur, et ils s'en retournèrent selon que le Seigneur le leur avait commandé. Or Jéroboam rebâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Et étant sorti de là, il bâtit Phanuel. Mais Jéroboam dit en lui-même, « Le royaume retournera bientôt à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, et le cœur de ce peuple se tournera aussitôt vers Roboam, roi de Juda, son seigneur, et ils me tueront et retourneront à lui. » Et après y avoir bien pensé, il fit deux veaux d'or et dit au peuple, « N'allez plus désormais à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont tiré de l'Égypte. » Il les mit, l'un à Bethel et l'autre à Dan, ce qui devint un sujet de péché, car le peuple allait jusqu'à Dan pour y adorer le veau. Il fit aussi des temples sur les hauts lieux, et il y établit pour prêtres les derniers du peuple, qui n'étaient point fils de Lévi. Il établit aussi une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, à la ressemblance de celle qui se célébrait alors en Juda. Et il monta lui-même à l'autel. Il fit la même chose à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait, et il établit dans Bethel des prêtres pour les hauts lieux qu'il avait bâtis. Il monta à l'autel qu'il avait bâti à Bethel, le 15e jour du 8e mois, jour qu'il avait fixé de son propre gré, et il fit faire une fête solennelle aux enfants d'Israël, et monta à l'autel pour y offrir de l'encens. Et voici qu'un homme de Dieu vint de Juda à Bethel, lorsque Jéroboam se tenait à l'autel et qu'il encensait. Et il cria contre l'autel, en parlant ainsi de la part du Seigneur, « Autel, autel, voici ce que dit le Seigneur. Il naîtra dans la maison de David un fils qui s'appellera Josias, et il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui t'encensent maintenant, et il brûlera sur toi des ossements humains. » Et le même jour, il leur donna un signe en disant « Voici le signe que le Seigneur a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il étendit sa main de dessus l'autel en disant « Qu'on l'arrête !» Et en même temps, la main qu'il avait étendue contre le prophète se sécha et il ne put la retirer à lui. L'autel aussi se fendit. Et la cendre qui était dessus se répandit selon le signe que l'homme de Dieu avait prédit par le commandement du Seigneur. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Implorez le Seigneur votre Dieu et priez-le pour moi afin qu'il me rende l'usage de ma main. » Et l'homme de Dieu pria le Seigneur et le roi retira sa main à lui et elle devint telle qu'auparavant. Le roi dit encore à l'homme de Dieu, « Venez dîner avec moi dans ma maison et je vous ferai des présents. » L'homme de Dieu dit au roi, « quand vous me donneriez la moitié de votre maison, je n'irai point avec vous, et je ne mangerai pas de pain, et ne boirai pas d'eau en ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole du Seigneur. Vous ne mangerez pas de pain et ne boirez pas d'eau, et vous ne vous en retournerez point par le chemin par lequel vous êtes venu. » Il s'en alla donc par un autre chemin, et il ne s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel, et ils rapportèrent à leur père les paroles qu'il avait dites au roi. Leur père leur dit « Par où s'en est-il allé ?» Ses fils lui montrèrent le chemin par où l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils « Scellez-moi mon âne !» Et après qu'ils l'eurent scellé, il monta dessus et s'en alla après l'homme de Dieu qu'il trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit « Êtes-vous l'homme de Dieu qui êtes venu de Juda ?» Il lui répondit « Je le suis. » « Venez, lui dit-il, avec moi, dans ma maison, pour manger un peu de pain. » L'homme de Dieu lui répondit « Je ne puis retourner, ni aller avec vous, et je ne mangerai pas de pain, et ne boirai pas d'eau en ce lieu-ci. Car le Seigneur m'a dit expressément, et m'a donné cet ordre, « Vous ne mangerez pas de pain, et ne boirez pas d'eau en ce lieu-ci, et vous ne retournerez point par le chemin par lequel vous serez allés. » Cet homme lui répondit « Je suis moi-même prophète comme vous, et un ange est venu me dire de la part du Seigneur, « Ramenez-le avec vous dans votre maison, afin qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Et il le trompa et l'emmena avec lui. L'homme de Dieu mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et comme ils étaient assis à table, le Seigneur fit entendre sa parole au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda et dit « Voici ce que dit le Seigneur, parce que vous n'avez pas obéi à la parole du Seigneur et que vous n'avez point gardé le commandement que le Seigneur votre Dieu vous avait fait et que vous êtes revenu en ce lieu où vous avez mangé du pain et bu de l'eau, quoique Dieu vous eût commandé de n'y pas manger de pain et de n'y pas boire d'eau, votre cadavre ne sera point porté au sépulcre de vos pères. » Après que le prophète qui l'avait amené eut bu et mangé, le vieux prophète scella son âne pour lui. Et comme l'homme de Dieu était en chemin pour s'en retourner, un lion le rencontra et le tua, et son cadavre demeura étendu sur le chemin. L'âne resta auprès de lui, et le lion se tint auprès du cadavre. Et voici que des gens qui passaient par là virent son corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait près du corps, et ils vinrent publier ce qu'ils avaient vu dans la ville où demeurait ce vieux prophète. Lorsque celui-ci, qui avait fait revenir l'homme de Dieu de son chemin, l'eut appris, il dit « C'est l'homme de Dieu qui a été désobéissant à la parole du Seigneur, et le Seigneur l'a livré à un lion qui l'a mis en pièces, et l'a tué selon la parole qu'il lui avait dite. » Et il dit à ses fils « Scellez-moi mon âne. » Après qu'ils l'eurent scellé, il s'en alla et trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient près du corps. Le lion ne mangea point du cadavre et ne fit pas de mal à l'âne. Le prophète prit donc le cadavre de l'homme de Dieu, le mit sur son âne et le ramena dans la ville où il demeurait pour le pleurer. Il mit le cadavre dans son sépulcre et ils le pleurèrent en disant « Hélas, hélas, mon frère !» Après qu'ils eurent pleuré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, ensevelissez-moi dans le sépulcre où repose l'homme de Dieu. Mettez mes os auprès de ses os. » Car ce qu'il a prédit de la part du Seigneur contre l'autel qui est à Bethel et contre tous les temples des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie arrivera très certainement. Après ces choses, Jéroboam ne revint point de sa voix toute corrompue, mais il prit au contraire les derniers du peuple pour les faire les prêtres des hauts lieux. Quiconque le voulait remplissait sa main et devenait prêtre des hauts lieux. Ce fut là le péché de la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été détruite et exterminée de dessus la terre. En ce temps-là, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Levez-vous, et changez de vêtements afin qu'on ne connaisse pas que vous êtes la femme de Jéroboam. Et allez à Silo, où est le prophète Aias, qui m'a prédit que je régnerai sur ce peuple. Prenez dans votre main 10 pains, un gâteau et un vase de miel, et allez le trouver. Car il vous fera savoir ce qui doit arriver à cet enfant. » La femme de Jéroboam fit ce qu'il lui avait dit. Elle se leva, s'en alla à Silo, et vint dans la maison d'Aias. Mais lui ne pouvait plus voir, parce que ses yeux s'étaient obscurcis à cause de son grand âge. Le Seigneur dit donc à Aias, « Voici la femme de Jéroboam qui vient vous consulter sur son fils qui est malade. Vous lui direz telle et telle chose. » Comme la femme de Jéroboam entrait, en dissimulant qui elle était, Aias entendit le bruit de ses pas lorsqu'elle entrait par la porte, et il lui dit, « Entrez, femme de Jéroboam, pourquoi feignez-vous d'être une autre ? Pour moi, j'ai été envoyé vers vous comme un dur messager. Allez, et dites à Jéroboam, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai élevé du milieu du peuple, je vous ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai divisé le royaume de la maison de David, et je vous l'ai donné. Et vous n'avez pas été comme mon serviteur David, qui a gardé mes commandements, et m'a suivi de tout son cœur, en faisant ce qui était agréable à mes yeux. Mais vous avez fait plus de mal que tous ceux qui ont été avant vous. Et vous vous êtes fait des dieux étrangers en métal fondu pour irriter ma colère, et vous m'avez rejeté derrière vous. C'est pourquoi je ferai tomber toutes sortes de maux sur la maison de Jéroboam, et je frapperai de Jéroboam les mâles et celui que l'on conservait précieusement, et le dernier en Israël. Et je nettoierai les restes de la maison de Jéroboam, comme on a coutume de nettoyer le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ceux de Jéroboam qui mourront dans la ville seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront à la campagne seront mangés par les oiseaux du ciel, car c'est le Seigneur qui a parlé. Levez-vous donc, et allez dans votre maison, et à l'instant même où vous mettrez le pied dans la ville, l'enfant mourra, et tout Israël le pleurera et l'ensevelira. C'est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans le tombeau, parce que l'arrêt du Seigneur Dieu d'Israël touchant la maison de Jéroboam s'est trouvé favorable pour lui. Mais le Seigneur s'est établi sur Israël un roi qui ruinera la maison de Jéroboam en ce jour et en ce temps. Le Seigneur Dieu frappera Israël et le rendra comme le roseau qui est agité dans les eaux. Et il arrachera Israël de cette terre excellente qu'il a donnée à leur père, et il les dispersera au-delà du fleuve parce qu'ils se sont fait des bois sacrés pour irriter le Seigneur. Et le Seigneur livrera Israël à cause des péchés de Jéroboam, qui a péché et qui a fait pécher Israël. » La femme de Jéroboam se leva donc et vint à Tersa, et lorsqu'elle mettait le pied sur le seuil de sa maison, l'enfant mourut. Il fut ensuite enseveli, et tout Israël le pleura, selon ce que le Seigneur avait prédit par le prophète Aias, son serviteur. Le reste des actions de Jéroboam, ses combats et la manière dont il régna, sont écrits dans le livre des Annales des rois d'Israël. Le temps du règne de Jéroboam fut de 22 années. Il s'endormit ensuite avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Cependant, Roboam, fils de Salomon, régnait sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 17 ans dans la ville de Jérusalem, que le Seigneur avait choisi dans toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère, une ammonite, s'appelait Naama, et Juda fit le mal devant le Seigneur, et ils l'irritèrent par les péchés qu'ils commirent, plus que leur père ne l'avait irrité par tous leurs crimes. Car ils s'élevèrent aussi des autels, et se firent des statues et des bois sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre touffu. Il y eut aussi des efféminés dans le pays, et ils commirent toutes les abominations de ces peuples que le Seigneur avait broyés à la vue des enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Sézac, roi d'Égypte, monta à Jérusalem. Et il enleva les trésors de la maison du Seigneur et les trésors du roi, et pilla tout. Il prit aussi les boucliers d'or que Salomon avait faits. À leur place, le roi Roboam en fit faire d'airain et les mit entre les mains de ceux qui avaient soin des boucliers et de ceux qui veillaient devant la porte de la maison du roi. Et lorsque le roi entrait dans la maison du Seigneur, ceux qui avaient pour office de marcher devant lui portaient ses boucliers, et il les reportait ensuite au lieu destiné à garder les armes. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait est écrit dans le livre des annales des rois de Juda. Et il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Et Roboam s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David. Sa mère, qui était ammonite, s'appelait Naama, et Abiam, son fils, régna à sa place. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nabat, Abiam régna sur Juda. Il régna 3 ans dans Jérusalem. Sa mère se nommait Maaka et était fille d'Abessalom. Il marcha dans tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur n'était point parfait avec le Seigneur son Dieu, comme l'était le cœur de David son père. Mais néanmoins, le Seigneur son Dieu lui donna, à cause de David, une lampe dans Jérusalem, en suscitant son fils après lui et en rendant stable Jérusalem. Parce que David avait fait ce qui était droit et juste aux yeux du Seigneur, et qu'il ne s'était point détourné tous les jours de sa vie de tout ce qu'il lui avait commandé, excepté en ce qui se passa à l'égard d'Uri l'Éthéen. Il y eut néanmoins toujours guerre entre Roboam et Jéroboam tant que Roboam vécut. Le reste des actions d'Abiam et tout ce qu'il fit est écrit au livre des annales des rois de Juda. Et il y eut une guerre entre Abiam et Jéroboam. Après cela, Abiam s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David, et son fils Asa régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa, roi de Juda, commença son règne. Il régna 41 ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et était fille d'Abessalom. Et Asa fit ce qui était droit et juste aux yeux du Seigneur, comme avait fait David son père. Il chassa du pays les efféminés, et il le purgea de toutes les infamies des idoles que ses pères avaient dressées. Il ôta aussi l'autorité à sa mère Maaka, afin qu'elle n'eût plus l'intendance du culte de Priap et du bois qu'elle lui avait consacré. Il détruisit la caverne où il était honoré. Il brisa cette idole infâme et la brûla dans le torrent de Cédron. Cependant, il n'abolit pas les hauts lieux. Et toutefois, le cœur d'Asa était parfait avec le Seigneur pendant tous les jours de sa vie. Il porta aussi dans la maison du Seigneur ce que son père avait consacré à Dieu, et l'or et l'argent et les vases qu'il avait fait vœu de donner. Or, il y eut guerre entre Asa et Baasa, roi d'Israël, tant qu'ils vécurent. Et Baasa, roi d'Israël, monta en Juda et bâtit Rama, afin que personne ne pût sortir ni entrer du côté d'Asa, roi de Juda. Alors, Asa, prenant tout l'argent et l'or qui étaient restés dans les trésors de la maison du Seigneur et dans les trésors du palais du roi, les mit entre les mains de ses serviteurs et les envoya à Ben-Hadad, fils de Tabrémon, fils d'Ézion, roi de Syrie, qui demeurait à Damas, et lui fit dire « Il y a alliance entre vous et moi, comme entre mon père et le vôtre. C'est pourquoi je vous ai envoyé des présents, de l'argent et de l'or, et je vous prie de venir et de rompre l'alliance que vous avez avec Baasa, roi d'Israël, afin qu'il se retire de dessus mes terres. » Ben-Hadad, s'étant rendu à la prière du roi Asa, envoya les généraux de son armée contre les villes d'Israël, et ils prirent Aïon, Dan, Abel maison de Maaka et toute la contrée de Sénéroth, c'est-à-dire toutes les terres de Nephtali. Lorsque Baasa l'eut appris, il cessa de bâtir Rama et s'en revint à Tersa. Alors, le roi Asa fit publier ceci par des courriers dans toute l'étendue de Juda. Que personne ne s'excuse. Et toutes les pierres et tout le bois que Baasa avait employé à bâtir Rama furent emportés, et le roi Asa les employa à bâtir Gabaa de Benjamin et Masfa. Le reste des actions d'Asa, et toute sa valeur, tout ce qu'il fit et les villes qu'il bâtit, tout cela est écrit au livre des annales des rois de Juda. Cependant, au temps de sa vieillesse, il eut mal aux pieds, et il s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la ville de David son père, et Josaphat son fils régna à sa place. La seconde année d'Asa, roi de Juda, Nadab, fils de Jéroboam, commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans sur Israël. Il fit le mal devant le Seigneur, et il marcha dans les voies de son père, et dans les péchés qu'il fit commettre à Israël. Mais Baasa, fils d'Aias, de la maison d'Issacar, lui tendit des embûches, et le tua près de Gébéton, ville des Philistins, que Nadab et tout Israël assiégeaient alors. Baasa tua donc Nadab, et régna à sa place, la 3e année du règne d'Asa, roi de Juda. Et lorsqu'il fut roi, il tua tous ceux de la maison de Jéroboam. Il n'en laissa pas vivre un seul de sa race, jusqu'à ce qu'il l'eût exterminé entièrement, selon que le Seigneur l'avait prédit par Aias le Silonite, son serviteur. À cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, et à cause du péché par lequel il avait irrité le Seigneur Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il fit est écrit au livre des annales des rois d'Israël. Et il y eut guerre entre Asa et Baasa, roi d'Israël, tant qu'ils vécurent. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baasa, fils d'Aïa, régna sur tout Israël, et son règne dura 24 ans. Il fit le mal devant le Seigneur, et il marcha dans la voie de Jéroboam et dans les péchés qu'il avait fait commettre à Israël. Or le Seigneur adressa la parole à Jéhu, fils d'Anani, contre Baasa, et il lui dit « Je vous ai élevé de la poussière, et je vous ai établi chef sur mon peuple Israël, et cependant vous avez marché dans la voie de Jéroboam, et vous avez fait pécher mon peuple Israël pour m'irriter par leur péché. C'est pourquoi je retrancherai de dessus la terre la postérité de Baasa et la postérité de sa maison. » Et je traiterai votre maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat. Celui de la race de Baasa, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra à la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baasa, et tout ce qu'il a fait, et ses combats, tout cela est écrit au livre des annales des rois d'Israël. Baasa s'endormit donc avec ses pères, et il fut enseveli à Tersa. Et Éla, son fils, régna à sa place. Mais le prophète Jéhu, fils d'Anani, ayant déclaré à Baasa ce que le Seigneur avait prononcé contre lui et contre sa maison, à cause de tous les maux qu'il avait faits devant le Seigneur pour l'irriter par les œuvres de ses mains, et que le Seigneur traiterait sa maison comme celle de Jéroboam, Baasa, pour ce motif, tua ce prophète Jéhu, fils d'Anani. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baasa, régna sur Israël à Tersa, et son règne dura 2 ans, car Zambri, son serviteur, qui commandait la moitié de sa cavalerie, se révolta contre lui. Et pendant qu'il buvait à Tersa, et qu'il était ivre dans la maison d'Arsa, gouverneur de Tersa, Zambri, se jetant sur lui, le frappa et le tua, la 27e année du règne d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut établi roi, et qu'il fut assis sur son trône, il extermina toute la maison de Baasa, sans en laisser aucun reste et sans épargner aucun de ses proches ou de ses amis. Zambri détruisit ainsi toute la maison de Baasa, selon la parole que le Seigneur avait fait dire à Baasa par le prophète Jéhu, à cause de tous les péchés que Baasa et son fils Éla avaient commis et fait commettre à Israël, en irritant le Seigneur Dieu d'Israël par leur vanité. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il fit est écrit au livre des annales des rois d'Israël. La 27e année d'Asa, roi de Juda, Zambri régna à Tersa pendant 7 jours. L'armée assiégeait alors Gébéton, ville des Philistins. Et ayant appris que Zambri s'était révolté et avait tué le roi, tout Israël établit roi Amri, général de l'armée d'Israël qui était alors dans le camp. Amri quitta Donge et Béton et marcha avec l'armée d'Israël et vint assiéger Tersa. Zambri, voyant que la ville allait être prise, entra dans le palais et se brûla avec la maison royale. Et il mourut dans les péchés qu'il avait commis en faisant le mal devant le Seigneur et en marchant dans la voie de Jéroboam et dans le péché par lequel il avait fait pécher Israël. Le reste des actions de Zambri, de sa conjuration et de sa tyrannie, est écrit au livre des annales des rois d'Israël. Alors, le peuple d'Israël se divisa en deux parties. La moitié du peuple suivait Thébni, fils de Ginette, pour l'établir roi, et l'autre moitié suivait Amri. Mais le peuple qui était avec Amri eut l'avantage sur le peuple qui était avec Thébni, fils de Ginette, et Thébni étant mort, Amri régna seul. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Amri régna sur Israël. Son règne dura 12 ans, dont il en régna 6 à Tersa. Il acheta de Somer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent, et il y bâtit une ville qu'il appela Samarie, du nom de Somer, à qui avait appartenu la montagne. Amri fit le mal devant le Seigneur, et les crimes qu'il commit surpassèrent encore ceux de tous ses prédécesseurs. Il marcha dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, et dans les péchés par lesquels il avait fait pécher Israël, pour irriter le Seigneur Dieu d'Israël par ses vanités. Le reste des actions d'Amri, avec les combats qu'il livra, est écrit au livre des annales des rois d'Israël. Amri dormit avec ses pères et fut enseveli à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. La 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Amri, régna sur Israël. Il régna sur Israël à Samarie, et son règne dura 22 ans. Akab, fils d'Amri, fit le mal devant le Seigneur, et dépassa en impiété tous ceux qui avaient été avant lui. Il ne se contenta pas de marcher dans les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, mais de plus, il épousa Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et l'adora. Il mit l'autel de Baal dans le temple de Baal qu'il avait bâti à Samarie, et il planta un bois sacré. Et ajoutant toujours crime sur crime, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pendant son règne, Yel, qui était de Bethel, bâtit Jéricho. Il perdit Abiram, son fils aîné, lorsqu'il en jeta les fondements, et Ségub, le dernier de ses fils, lorsqu'il posa les portes, selon que le Seigneur l'avait prédit par Josué, fils de Nun. En ce temps-là, Élie de Thesbé, qui était un des habitants de Galaad, dit à Akab, « Vive le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens debout. Pendant ces années, il ne tombera ni rosée ni pluie, si ce n'est sur les paroles de ma bouche. » Le Seigneur s'adressa ensuite à Élie et lui dit, « Retirez-vous d'ici, allez vers l'Orient, et cachez-vous sur le bord du torrent de Carit, qui est en face du Jourdain. Vous boirez là de l'eau du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de vous nourrir en ce lieu. » Élie partit donc selon l'ordre du Seigneur, et alla s'établir près du torrent de Carit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient le matin du pain et de la chair, et le soir encore du pain et de la chair, et il buvait de l'eau du torrent. Quelque temps après, le torrent se dessécha, car il n'avait point plu sur la terre. Et alors le Seigneur parla à Élie en ces termes, « Allez à Sarepta des Sidoniens et demeurez-y, car j'ai commandé à une femme veuve de vous y nourrir. » Élie se leva et s'en alla à Sarepta. Lorsqu'il fut venu à la porte de la ville, il aperçut une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Donnez-moi un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Tandis qu'elle allait lui en chercher, il lui cria derrière elle, « Apportez-moi aussi, je vous prie, une bouchée de pain dans votre main. » Elle lui répondit, « Vive le Seigneur votre Dieu, je n'ai point de pain. J'ai seulement dans un pot autant de farine qu'on en peut prendre avec trois doigts et un peu d'huile dans un petit vase. Je viens ramasser ici deux morceaux de bois pour aller apprêter à manger à moi et à mon fils afin que nous mourions ensuite. » Élie lui dit, « Ne craignez point et faites comme vous avez dit, mais faites d'abord pour moi de ce petit reste de farine un petit pain cuit sous la cendre et apportez-le-moi, et vous en ferez après cela pour vous et pour votre fils. » Car voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. La farine qui est dans ce pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ce petit vase ne diminuera pas, jusqu'au jour où le Seigneur doit faire tomber la pluie sur la terre. Cette femme s'en alla donc, et fit ce qu'Élie lui avait dit. Et Élie mangea, et elle et sa maison. Et depuis ce jour, la farine du pot ne manqua point, et l'huile du petit vase ne diminua pas, selon que le Seigneur l'avait prédit par Élie. Il arriva ensuite que le fils de cette femme, mère de famille, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit donc à Élie, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi, homme de Dieu? Êtes-vous venu chez moi pour renouveler la mémoire de mes péchés et pour faire mourir mon fils ?» Élie lui dit, « Donnez-moi votre fils. » Et l'ayant pris d'entre ses bras, il le porta dans la chambre où il demeurait et il le mit sur son lit. Il cria ensuite au Seigneur et il lui dit, « Seigneur mon Dieu, avez-vous aussi affligé cette veuve qui a soin de me nourrir comme elle peut jusqu'à faire mourir son fils ?» Après cela, il s'étendit sur l'enfant par trois fois en se mesurant à son petit corps. Et il cria au Seigneur et lui dit, « Seigneur mon Dieu, faites, je vous prie, que l'âme de cet enfant rentre dans son corps. » Et le Seigneur exauça la voix d'Élie. L'âme de l'enfant rentra en lui et il recouvra la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de sa chambre au bas de la maison, le mit entre les mains de sa mère et lui dit, « Voici que votre fils est vivant. » La femme répondit à Élie, « Je reconnais maintenant, à cette action, que vous êtes un homme de Dieu et que la parole du Seigneur est véritable dans votre bouche. » Longtemps après, le Seigneur adressa la parole à Élie durant la troisième année et il lui dit « Allez, présentez-vous devant Achab afin que je fasse tomber la pluie sur la terre. » Élie s'en alla donc pour se présenter devant Achab. Cependant, la famine était extrême dans Samarie et Achab fit venir Abdias, intendant de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Car lorsque Jézabel faisait mourir les prophètes du Seigneur, il en prit 100 qu'il cacha dans des cavernes, 50 par 50, et il les nourrit de pain et d'eau. Achab dit donc à Abdias, « Allez par le pays, à toutes les fontaines et à toutes les vallées, pour voir si nous pourrons trouver de l'herbe afin de sauver les chevaux et les mulets, et que toutes les bêtes ne meurent pas. » Ils se partagèrent donc le pays pour aller chercher de tous côtés. Achab allait par un chemin, et Abdias, séparément, allait par un autre. Et tandis qu'Abdias était en route, Élie vint au-devant de lui. Abdias, l'ayant reconnu, se prosterna le visage contre terre et lui dit, « Est-ce vous, Élie, mon seigneur ?» Il lui répondit, « C'est moi. Allez, et dites à votre maître, voici Élie. Quel péché ai-je commis, dit Abdias, pour que vous me livriez entre les mains d'Achab, moi, votre serviteur, afin qu'il me fasse mourir ?» « Vive le Seigneur votre Dieu. Il n'y a point de nation ni de royaume où mon Seigneur n'ait envoyé vous chercher. » Et tous lui disant que vous n'y étiez pas, il a adjuré les rois et les peuples parce qu'on ne vous trouvait point. Et maintenant vous me dites, « Allez et dites à votre maître, voici Élie. » Et après que je vous aurai quitté, l'Esprit du Seigneur vous transportera en quelque lieu qui me sera inconnu. Et quand j'aurai averti Achab, s'il ne vous trouve pas, il me fera mourir. Cependant, votre serviteur craint le Seigneur depuis son enfance. Ne vous a-t-on pas dit, à vous, mon Seigneur, ce que je fis lorsque Jézabel tuait les prophètes du Seigneur, et que je cachai 100 de ses prophètes dans des cavernes, 50 par 50, et que je les nourris de pain et d'eau? Et après cela, vous me dites, allez, et dites à votre maître, voici Élie, afin qu'il me tue. Élie lui dit, « Vive le Seigneur des armées, en la présence duquel je suis. Je me présenterai aujourd'hui devant Akab. » Abdias alla donc trouver Akab et lui fit son rapport. Et Akab vint aussitôt au devant d'Élie. Et le voyant, il lui dit, « N'êtes-vous pas celui qui trouble Israël ?» Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais c'est vous-même et la maison de votre père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que vous avez suivi Baal. Néanmoins, envoyez maintenant vers Israël et faites assembler tout le peuple sur le mont Carmel et les 450 prophètes de Baal avec les 400 prophètes des bois sacrés que Jézabel nourrit de sa table. » Akab envoya donc avertir tous les fils d'Israël et il assembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand serez-vous comme un homme qui boite des deux côtés ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le aussi. » Et le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Élie dit encore au peuple, « Je suis demeuré seul d'entre les prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne deux bœufs, et qu'ils en choisissent un pour eux, et que l'ayant coupé par morceaux, ils le placent sur le bois sans mettre de feu par-dessous. Et moi, je prendrai l'autre bœuf. Et le mettant aussi sur le bois, je ne mettrai pas non plus de feu au-dessus. Invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom de mon Seigneur, et que le Dieu qui répondra par le feu soit reconnu pour Dieu. » Tout le peuple répondit, « Excellente proposition !» Élie dit donc au prophète de Baal, « Choisissez un bœuf pour vous et commencez les premiers, parce que vous êtes en plus grand nombre, et invoquez les noms de vos dieux sans mettre le feu au bois. » Ayant donc pris le bœuf qu'il leur fut donné, ils préparèrent leur sacrifice, et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, exaucez-nous !» Mais Baal ne disait mot, et personne ne leur répondait. Et ils sautaient par-dessus l'autel qu'ils avaient fait. Il était déjà midi, et Élie se moquait d'eux en disant, « Criez plus haut, car votre Dieu parle peut-être à quelqu'un, ou bien il est en chemin, ou dans une hôtellerie, ou encore il dort, et il a besoin qu'on le réveille. » Ils se mirent donc à crier encore plus haut, et ils se faisaient des incisions selon leur rite, avec des couteaux et des lancettes, jusqu'à ce qu'ils fussent couverts de sang. Midi étant passé, et le temps étant venu auquel on avait coutume d'offrir le sacrifice, les prophètes avaient beau crier et invoquer, il n'y avait personne pour leur répondre ni pour exaucer leurs prières. Alors Élie dit à tout le peuple, « Venez avec moi. » Et le peuple s'étant approché de lui, il rétablit l'autel du Seigneur qui avait été détruit. Il prit aussi 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels le Seigneur avait adressé sa parole en lui disant, « Israël sera votre nom. » Et il bâtit de ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit une rigole et comme deux petits sillons autour de l'autel. Il prépara le bois, coupa le bœuf par morceaux et le mit sur le bois. Et il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et répandez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il ajouta, « Faites encore la même chose une seconde fois. » Et quand ils l'eurent fait une seconde fois, il leur dit, « Faites encore la même chose une troisième fois. » Et ils répandirent de l'eau pour la troisième fois, en sorte que les eaux couraient autour de l'autel et que la rigole en était toute pleine. Le temps étant venu d'offrir l'holocauste, le prophète Élie s'approcha et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, faites voir aujourd'hui que vous êtes le Dieu d'Israël et que je suis votre serviteur et que c'est par votre ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exaucez-moi, Seigneur, exaucez-moi afin que ce peuple apprenne que vous êtes le Seigneur Dieu et que vous avez de nouveau converti leur cœur. » En même temps, le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois et les pierres, la poussière même et l'eau qui était dans la rigole. Lorsque tout le peuple eut vu cela, il se prosterna le visage contre terre et il dit, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Alors Élie leur dit, « Prenez les prophètes de Baal et qu'il n'en échappe pas un seul. » Et le peuple s'étant saisi d'eux, Élie les mena au torrent de Sison où il les fit mourir. Élie dit ensuite à Akab, « Montez, mangez et buvez, car j'entends le bruit d'une grande pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, et Élie monta au sommet du Carmel où, se prosternant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Allez, et regardez du côté de la mer !» Ce serviteur, étant allé regarder, vint lui dire, « Il n'y a rien !» Élie lui dit encore, « Retournez-y par 7 fois !» Et la 7e fois, il parut un petit nuage, comme le pied d'un homme qui s'élevait de la terre. Élie dit, « Allez dire à Akab, faites atteler votre char, et descendez, de peur que la pluie ne vous surprenne. » Et tandis qu'il se tournait d'un côté et d'autre, le ciel fut tout à coup obscurci. Il y eut des nuées et du vent, et il tomba une grande pluie. Akab, montant donc sur son char, s'en alla à Jézraël. Et en même temps, la main du Seigneur fut sur Élie, qui s'étant ceint les reins, courut devant Akab jusqu'à ce qu'il arrivât à Jézraël. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et de quelle manière il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur sévérité, si demain, à cette même heure, je ne fais de votre vie ce que vous avez fait de la vie de chacun d'eux. » Élie eut donc peur, et se levant, il s'en alla partout où son désir le portait. Et il vint à Beersabée de Juda, et il y laissa son serviteur. Il fit dans ce désert une journée de chemin, et étant venu sous un genévrier, il s'y assit et il souhaita la mort, et dit à Dieu, « Seigneur, c'est assez. Retirez mon âme de mon corps, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se jeta à terre et s'endormit à l'ombre du genévrier. Et voici qu'un ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Levez-vous et mangez. » Élie regarda et vit auprès de sa tête un pain cuit sous la cendre et un vase d'eau. Il mangea donc et but, et il s'endormit encore. Et l'ange du Seigneur revint une seconde fois et le toucha et lui dit, « Levez-vous et mangez, car il vous reste un grand chemin à faire. » S'étant donc levé, il mangea et il but, et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Lorsqu'il y fut arrivé, il demeura dans une caverne, et le Seigneur lui adressa la parole et lui dit, « Que faites-vous ici, Élie ?» Élie lui répondit, « Je brûle de zèle pour vous, Seigneur, Dieu des armées, parce que les fils d'Israël ont abandonné votre alliance, qu'ils ont détruit vos autels, qu'ils ont tué vos prophètes par l'épée, et je suis demeuré seul, et ils cherchent encore à m'ôter la vie. » Le Seigneur lui dit, « Sortez, et tenez-vous sur la montagne devant le Seigneur, car voici que le Seigneur passe. » Et il y eut devant le Seigneur un vent violent et impétueux qui renversait les montagnes et brisait les rochers. Et le Seigneur n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, et le Seigneur n'était point dans ce tremblement. Après le tremblement, il s'alluma un feu, et le Seigneur n'était point dans ce feu. Et après le feu, on entendit le souffle d'une brise légère. Quand Élie l'entendit, il se couvrit le visage de son manteau, et étant sorti, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici qu'une voix lui dit, « Que faites-vous ici, Élie ?» Il répondit, « Je brûle de zèle pour vous, Seigneur Dieu des armées, parce que les fils d'Israël ont abandonné votre alliance, qu'ils ont détruit vos autels, qu'ils ont tué vos prophètes par le fer, et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et le Seigneur lui dit, « Allez, retournez par votre chemin le long du désert, vers Damas, et lorsque vous y serez arrivés, vous oindrez Hazaël pour roi de Syrie. Vous oindrez aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et vous oindrez Élisée, fils de Saphat, d'Abel-Mehula, pour prophète à votre place. Quiconque aura échappé à l'épée d'Hazaël sera tué par Jéhu, et quiconque aura échappé à l'épée de Jéhu sera tué par Élisée. Et je me suis réservé dans Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui ne l'ont point adoré en portant la main à leur bouche pour la baiser. » Élie, étant donc parti de là, trouva Élisée, fils de Saphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs et conduisait lui-même une des charrues des 12 paires de bœufs. Et Élie s'approcha d'Élisée et mit son manteau sur lui. Aussitôt, Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et lui dit « Permettez-moi, je vous prie, d'aller embrasser mon père et ma mère, et ensuite je vous suivrai. » Élie lui répondit « Allez et revenez, car j'ai fait pour vous ce qui dépendait de moi. » Élisée, après s'être éloigné d'Élie, prit une paire de bœufs qu'il tua, et il fit cuire leur chair avec le bois de la charrue, et la donna au peuple qui en mangea. Et, se levant, il s'en alla, et il suivit Élie et le servait. Or, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant assemblé toute son armée, sa cavalerie et ses chars, et 32 rois avec lui, vint pour combattre Samarie, et il l'assiégea. En même temps, il envoya dans la ville des ambassadeurs à Akab, roi d'Israël, pour lui dire de sa part, « Voici ce que dit Ben-Hadad, votre argent et votre or est à moi, vos femmes et vos enfants les mieux faits sont à moi. » Le roi d'Israël lui répondit, « Ô roi, mon seigneur, je suis à vous comme vous le dites, et tout ce que j'ai est à vous. » Les ambassadeurs, revenant encore vers Akab, lui dirent, « Voici ce que dit Ben-Hadad qui nous avait envoyé vers vous. Vous me donnerez votre argent, votre or, vos femmes et vos fils. Demain donc, à cette même heure, j'enverrai mes serviteurs vers vous. Ils visiteront votre maison et la maison de vos serviteurs, et ils prendront tout ce qui leur plaira et l'emporteront. » Alors, le roi d'Israël fit venir tous les anciens de son peuple et leur dit, « Considérez et voyez qu'il nous tente un piège. » Car il m'a déjà envoyé ses messagers pour mes femmes, pour mes fils, pour mon argent et mon or, et je ne lui ai rien refusé. » Tous les anciens et tout le peuple lui répondirent, « Ne l'écoutez pas, et ne vous rendez point à ses désirs. » Akab répondit aux ambassadeurs de Ben-Hadad, « Dites au roi, mon seigneur, je ferai toutes les choses que vous m'avez demandées en premier lieu, comme à votre serviteur, mais pour cette dernière chose, je ne puis la faire. » Les ambassadeurs, étant revenus, firent leur rapport à Ben-Hadad, qui les renvoya encore et fit dire à Akab, « Que les dieux me traitent dans toute leur sévérité, si toute la poussière de Samarie suffit pour remplir seulement le creux de la main de tous les gens qui me suivent. » Le roi d'Israël leur répondit, « Dites à votre maître, ce n'est pas lorsqu'on prend les armes qu'on doit se vanter, c'est quand on les quitte. » Ben-Hadad reçut cette réponse tandis qu'il buvait avec les rois sous des tentes. Et il dit à ses serviteurs, « Investissez la ville. » Et ils l'investirent. Et voici qu'un prophète vint trouver Akab, roi d'Israël, et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur. Vous avez vu toute cette multitude innombrable. Je vous déclare que je la livrerai aujourd'hui entre vos mains, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. » Akab lui demanda, « Par qui ?» Il lui répondit, « Voici ce que dit le Seigneur. Ce sera par les valets de pied des princes des provinces. » Akab ajouta, « Qui commencera le combat ?»« Vous, » dit le prophète. Akab fit donc la revue des valets de pied des princes des provinces, et il en trouva 232. Il fit ensuite la revue du peuple de tous les fils d'Israël, et il en trouva 7000. Et ils sortirent de la ville à midi. Cependant, Ben-Hadad était dans sa tente, qui buvait et qui était ivre, et les 32 rois qui étaient venus à son secours étaient avec lui. Les valets de pied des princes des provinces sortirent donc à la tête de l'armée. Ben-Hadad envoya pour les reconnaître, et on lui vint dire, « Ce sont des gens qui sont sortis de Samarie. » Et il dit, « Soit qu'ils viennent pour traiter de la paix, soit qu'ils viennent pour combattre, prenez-les vifs. » Les valets de pied des princes des provinces s'avancèrent donc, et le reste de l'armée après eux. Et chacun d'eux tua ceux qui se présentèrent devant lui. Et aussitôt, les Syriens s'enfuirent, et l'armée d'Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, s'enfuit aussi à cheval avec les cavaliers qui l'accompagnaient. Et le roi d'Israël, étant sorti de Samarie, tua les chevaux, renversa les chars, et frappa la Syrie d'une grande plaie. Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Allez, fortifiez-vous et voyez ce que vous avez à faire, car le roi de Syrie viendra encore l'an prochain pour vous combattre. » Mais les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leurs dieux sont des dieux de montagne, et c'est pour cela qu'ils nous ont vaincus. Il faut que nous combattions contre eux en pleine campagne, et nous les vaincrons. Voici donc ce que vous avez à faire. Éloignez tous les rois de votre armée, et mettez à leur place vos principaux officiers. Rétablissez vos troupes en y remettant autant de soldats qu'il en a été tué, autant de chevaux qu'il y en avait dans votre armée, et autant de chars que vous en avez eu auparavant. Et nous combattrons contre eux en pleine campagne, et vous verrez que nous les battrons. » Il crut leur conseil, et il s'y conforma. Un an après, Ben-Hadad fit la revue des Syriens et vint à Afek pour combattre contre Israël. Les enfants d'Israël firent aussi la revue de leurs troupes, et ayant pris des vivres, ils marchèrent contre les Syriens et campèrent vis-à-vis d'eux comme deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens couvraient toute la terre. Alors, un homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit « Voici ce que dit le Seigneur, parce que les Syriens ont dit « Le Seigneur est le Dieu des montagnes, mais il n'est pas le Dieu des vallées. » Je vous livrerai toute cette grande multitude, et vous saurez que je suis le Seigneur. » Les deux armées furent rangées en bataille, l'une devant l'autre, pendant 7 jours. Le 7e jour, la bataille se donna, et les fils d'Israël tuèrent en 1 jour 100 000 fantassins syriens. Ceux qui échappèrent s'enfuirent dans la vallée d'Afek, et une muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Or Ben-Hadad, s'enfuyant, entra dans la ville et se retira dans le lieu le plus secret d'une chambre. Alors, ses serviteurs lui dirent « Nous avons entendu dire que les rois de la maison d'Israël sont cléments. Mettons donc des sacs sur nos reins et des cordes à notre cou, et allons trouver le roi d'Israël. Peut-être qu'il nous donnera la vie. » Ainsi, ils se mirent des sacs sur les reins et la corde au cou, et vinrent trouver le roi d'Israël. Et ils lui dirent « Ben-Hadad, votre serviteur, vous a fait cette supplication. Accordez-moi la vie. » Il leur répondit « S'il est encore vivant, il est mon frère. » Les Syriens tirèrent de là un bon présage, et prenant aussitôt ce mot de sa bouche, ils lui dirent « Ben-Hadad est votre frère. » Il leur répondit « Allez et amenez-le-moi. » Ben-Hadad vint donc se présenter à Akab, qui le fit monter sur son char. Et Ben-Hadad lui dit « Je vous rendrai les villes que mon père a prises sur votre père, et faites-vous des places publiques dans Damas, comme mon père en avait fait dans Samarie. Et quand nous aurons fait cette alliance, je me retirerai. » Akab fit donc cette alliance avec lui et le laissa aller. Alors, un des fils des prophètes dit de la part du Seigneur à un de ses compagnons « Frappez-moi. » Et comme il ne voulut pas le frapper, il lui dit « « Parce que vous n'avez pas voulu me frapper, aussitôt que vous m'aurez quitté, un lion vous tuera. » Lorsqu'il se fut un peu éloigné de lui, un lion le trouva et le tua. Ayant rencontré un autre homme, il lui dit « Frappez-moi. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète s'en alla donc et vint au-devant du roi sur le chemin, et il se rendit méconnaissable en mettant de la poussière sur son visage et sur ses yeux. Et lorsque le roi fut passé, il cria après lui et lui dit « Votre serviteur s'était avancé pour combattre les ennemis de près, et l'un d'eux s'étant enfui, quelqu'un me l'a amené et m'a dit « Gardez cet homme, et s'il s'échappe, votre vie répondra de la sienne, ou vous payerez un talent d'argent. » Et comme, tout troublé, je me tournai de côté et d'autre, cet homme a disparu tout à coup. Le roi d'Israël lui dit « Vous avez vous-même prononcé votre arrêt. » Aussitôt, il essuya la poussière de dessus son visage, et le roi d'Israël reconnut qu'il était du nombre des prophètes. Il dit au roi, « Voici ce que dit le Seigneur, parce que vous avez laissé échapper de vos mains un homme digne de mort, votre vie répondra pour la sienne, et votre peuple pour son peuple. » Mais le roi d'Israël revint dans sa maison, ne faisant pas de cas de ce que le prophète lui avait dit, et il entra furieux dans Samarie. Après ces choses, voici ce qui arriva. En ce même temps, Naboth, le Jézraélite, possédait dans Jézraël une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab lui dit, « Donnez-moi votre vigne, afin que je puisse faire un jardin potager, car elle est près de ma maison. Et je vous en donnerai une meilleure, ou, si cela vous accommode mieux, je vous la payerai en argent au prix qu'elle vaut. » Naboth lui répondit, « Dieu me garde de vous donner l'héritage de mes pères. » Akab revint donc chez lui indigné et plein de fureur à cause de cette parole que Naboth le Jézraélite lui avait dite, « Je ne vous donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et se jetant sur son lit, il se tourna du côté de la muraille et ne mangea point. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Qu'est-ce que cela? D'où vous vient cette tristesse? Et pourquoi ne mangez-vous point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jézraël, et je lui ai dit, « Donnez-moi votre vigne, et je vous en donnerai l'argent, ou, si vous le préférez, je vous en donnerai une meilleure pour celle-là. » Et il m'a répondu, « Je ne vous donnerai pas ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit, « Votre autorité est grande, et vous gouvernez bien le royaume d'Israël. Levez-vous, mangez, et ayez l'esprit en repos. » C'est moi qui vous donnerai la vigne de Naboth le Jézraélite. » Aussitôt elle écrivit, au nom d'Akab, une lettre qu'elle scella du sceau du roi et qu'elle envoya aux anciens et aux premiers de la ville de Naboth qui demeuraient avec lui. Cette lettre était conçue en ces termes, « Publiez un jeûne et faites asseoir Naboth entre les premiers du peuple et subornez deux hommes sans conscience contre lui et qu'ils portent un faux témoignage en disant « Naboth a blasphémé contre Dieu et contre le roi, qu'on le mène hors de la ville et ensuite qu'il soit lapidé et mis à mort. » Les anciens et les premiers de la ville de Naboth, qui demeuraient avec lui, firent ce que Jézabel leur avait commandé et ce que portait la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et firent asseoir Naboth entre les premiers du peuple. Et ayant fait venir deux hommes sans conscience, ils les firent asseoir vis-à-vis de lui. Et ces deux hommes, diaboliques, portèrent témoignage contre lui devant l'assemblée, en disant « Naboth a blasphémé Dieu et le roi ». Ils le menèrent donc hors de la ville et le lapidèrent. Ils envoyèrent aussitôt à Jézabel pour lui dire « Naboth a été lapidé et il est mort ». Lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle vint dire à Akab, « Allez, et prenez pour vous la vigne de Naboth le Jézraélite qui n'a pas voulu se rendre à votre désir, ni vous la donner pour le prix qu'elle valait, car Naboth n'est plus en vie, mais il est mort. » Quand Akab eut appris la mort de Naboth, il s'en alla aussitôt dans la vigne de Naboth le Jézraélite pour en prendre possession. En même temps, le Seigneur adressa sa parole à Élie le Thesbite et lui dit, « Levez-vous et descendez au-devant d'Akab, roi d'Israël, qui est dans Samarie, car le voilà qui va dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. Et vous lui parlerez en ces termes, « Voici ce que dit le Seigneur, vous avez tué Naboth, et de plus vous vous êtes emparé de sa vigne. » Et vous lui direz ensuite, « Voici ce que dit le Seigneur, en ce même lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi votre sang. » Et Akab dit à Élie, « En quoi m'avez-vous trouvé votre ennemi ?» Élie lui répondit, « En ce que vous vous êtes vendu pour faire le mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire fondre des maux sur vous, je vous retrancherai, vous et votre postérité, de dessus la terre, et je tuerai tous les mâles de la maison d'Akab, et depuis le premier jusqu'au dernier dans Israël. Je traiterai votre maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et comme la maison de Baasa, fils d'Aïa, parce que vos actions ont irrité ma colère et que vous avez fait pécher Israël. » Le Seigneur a prononcé aussi cet arrêt contre Jézabel. « Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jézraël. Si Akab meurt dans la ville, il sera mangé par les chiens, et s'il meurt dans les champs, il sera mangé par les oiseaux du ciel. » Akab n'eut donc point son semblable en méchanceté, ayant été vendu pour faire le mal aux yeux du Seigneur, car il y fut excité par Jézabel, sa femme. et il devint tellement abominable qu'il suivait les idoles des Amoréens que le Seigneur avait exterminé de devant la face des fils d'Israël. Lorsqu'Akab eut entendu ces paroles, il déchira ses vêtements, couvrit sa chair d'un cilice, jeûna et dormit vêtu d'un sac et marcha la tête baissée. Alors le Seigneur adressa sa parole à Élie le Thesbite et lui dit « N'avez-vous pas vu Akab humilié devant moi ? Puis donc il s'est humilié à cause de moi, je ne ferai point tomber pendant qu'il vivra les maux dont je l'ai menacé, mais je les ferai tomber sur sa maison sous le règne de son fils. » Ainsi, 3 ans se passèrent sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, vint trouver le roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Ignorez-vous que la ville de Ramoth-Galaad est à nous? Et cependant, nous négligeons de la retirer des mains du roi de Syrie? » Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Viendrez-vous attaquer avec moi Gamoth-Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Disposez de moi comme de vous-même. Mon peuple et votre peuple n'en font qu'un, et ma cavalerie est votre cavalerie. » Et il dit encore au roi d'Israël, « Consultez aujourd'hui, je vous prie, la volonté du Seigneur. » Le roi d'Israël assembla donc ses prophètes, qui se trouvèrent environ 400, et il leur dit, « Dois-je aller attaquer Ramoth-Galaad ou me tenir en paix ?» Ils lui répondirent, « Montez. » Et le Seigneur livrera la ville entre les mains du roi. Josaphat lui dit, « N'y a-t-il pas ici quelque prophète du Seigneur afin que nous le consultions par lui ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il est demeuré un homme par qui nous pouvons consulter le Seigneur, mais je hais cet homme parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon, mais toujours du mal. C'est Michée, fils de Jemla. » Josaphat lui répondit, « Ô roi, ne parlez point ainsi. » Le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Hâte-toi d'amener Michée, fils de Jemla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient dans l'air, près de la porte de Samarie, assis chacun sur leur trône, revêtus de leurs habits royaux, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Or, Sédécias, fils de Chanaana, se fit des cornes de fer, et il dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Avec ces cornes, vous agiterez la Syrie jusqu'à ce que vous l'ayez détruite. » Tous les prophètes prophétisaient de même et disaient, « Montez contre Ramoth-Galaad et marchez heureusement, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Celui qu'on avait envoyé pour faire venir Michée lui dit, « Voici que les prophètes prédisent d'une voix unanime un bon succès au roi. Que vos paroles soient donc semblables aux leurs et annoncez du bien. » Michée lui répondit, « Vive le Seigneur, je ne dirai que ce que le Seigneur m'aura dit. » Michée se présenta donc devant le roi, et le roi lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth-Galaad ou demeurer en paix ?» Michée lui répondit, « Allez, « marchez heureusement, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Le roi ajouta, « Je vous conjure encore et encore au nom du Seigneur de ne me parler que selon la vérité. » Michée lui dit, « J'ai vu tout Israël dispersé dans les montagnes comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et le Seigneur m'a dit, « Ils n'ont point de chef, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Aussitôt le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne vous ai-je pas dit que cet homme ne me prophétise jamais rien de bon, mais toujours du mal ?» Et Michée ajouta, « Écoutez la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée du ciel debout autour de lui, et à droite et à gauche. » Et le Seigneur a dit, « Qui séduira Akab, roi d'Israël, afin qu'il marche contre Ramoth-Galaad et qu'il y périsse ?» Et l'un fit cette réponse et l'autre cette autre. Mais l'esprit s'avança, et se présentant devant le Seigneur, il lui dit, « C'est moi qui séduirai Akab. » Le Seigneur lui dit, « Et comment ? Il répondit, « J'irai, et je serai un esprit menteur dans la bouche de tous ces prophètes. » Et le Seigneur lui dit, « Vous le séduirez, et vous aurez l'avantage sur lui. Allez, et faites comme vous dites. » Maintenant donc, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous vos prophètes qui sont ici, et le Seigneur a prononcé votre arrêt. Alors, Sédécias, fils de Chanaana, s'approcha de Mikhée et lui donna un soufflet sur la joue, et lui dit, « L'esprit du Seigneur m'a-t-il donc quitté, et n'a-t-il parlé qu'à vous ?» Mikhée lui dit, « Vous le verrez au jour, vous passerez d'une chambre dans une autre chambre pour vous cacher. » Alors, le roi d'Israël dit à ses gens, « Prenez Mikhée, et qu'on le mène chez Amon, gouverneur de la ville, et chez Joas, fils d'Amélec, et dites-leur, voici ce que le roi a ordonné, renfermez cet homme dans la prison, et qu'on le nourrisse de pain de douleur et d'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Mikhée lui dit, « Si vous revenez en paix, le Seigneur n'a point parlé par moi. » Et il ajouta, « Que tout le monde entende. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, marchèrent donc contre Ramoth-Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Prenez vos armes et combattez avec vos vêtements ordinaires. » Mais le roi d'Israël se déguisa avant de marcher au combat. Or le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 capitaines de ses chars. « Ne combattez contre qui que ce soit, petit ou grand, n'attaquez que le seul roi d'Israël. » Lors donc que les capitaines des chars eurent vu Josaphat, ils s'imaginèrent que c'était le roi d'Israël. Et ayant fondu sur lui, ils le combattaient. Alors Josaphat jeta un grand cri. Et les capitaines des chars reconnurent que ce n'était pas le roi d'Israël et ne le pressèrent pas davantage. Il arriva cependant qu'un homme, ayant tendu son arc, tira une flèche au hasard et elle vit percer le roi d'Israël entre le poumon et l'estomac. Il dit aussitôt à son cocher, « Tourne bride et retire-moi du milieu des troupes, car je suis grièvement blessé. » Or le combat dura tout le jour, et le roi d'Israël demeura dans son char en face des Syriens. Le sang coulait de sa plaie dans l'intérieur de son char, et il mourut le soir. Avant que le soleil fût couché, un héraut sonna de la trompette dans toute l'armée et dit « Que chacun retourne dans sa ville et dans son pays. » Le roi mourut donc et fut porté à Samarie, où il fut enseveli. On lava son char et les rênes dans la piscine de Samarie, et les chiens léchèrent son sang, selon la parole que le Seigneur avait prononcée. Le reste des actions d'Akab et tout ce qu'il fit, la maison d'ivoire qu'il bâtit et toutes les villes qu'il construisit, tout cela est écrit au livre des annales des rois d'Israël. Akab s'endormit donc avec ses pères, et Ocosias, son fils, régna à sa place. Or Josaphat, fils d'Aza, avait commencé à régner sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Il avait 35 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 25 ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Salaï. Il marcha dans toutes les voies d'Aza, son père, sans se détourner, et il fit ce qui était droit devant le Seigneur. Néanmoins, il ne détruisit pas les hauts lieux, car le peuple y sacrifiait encore et y brûlait de l'encens. Josaphat eut la paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, tout ce qu'il fit avec ses combats, est écrit au livre des annales des rois de Juda. Il extermina aussi du pays les restes des efféminés qui étaient demeurés pendant le règne d'Asa son père. Et il n'y avait point alors de roi établi dans Édom. Le roi Josaphat avait fait faire une flotte sur la mer afin qu'elle fît voile vers Ophir pour en apporter de l'or. Mais ses vaisseaux ne purent y aller parce qu'ils furent brisés à Azion-Gaber. Alors Ocosias, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Que mes serviteurs aillent en mer avec les vôtres. » Mais Josaphat ne voulut pas. Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Ocosias, fils d'Akab, avait commencé à régner sur Israël dans Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 2 ans sur Israël. Et il fit le mal devant le Seigneur, et il marcha dans la voie de son père et de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il servit aussi Baal et l'adora, et il irrita le Seigneur, Dieu d'Israël, par toutes les choses que son père avait faites.